avec chacun sa spécialité. Mickaël, animateur professionnel, spécialiste du micro et leader de la team. Tof, spécialiste de l'insulte, de la vulgarité et de la connerie. Polo, spécialiste de la joute verbale, agressif et surtout de la mauvaise foi. Amina, juriste, spécialiste des problèmes de filles et seule femme de l'équipe. Et Seba, standardiste, faux muscles et escroquerie en tout genre. Mickaël sur Énergie, tu ne peux pas trouver mieux comme équipe. Tous les soirs, de minuit à 4h. Oui, on est là, minuit 25. Plein de messages qui arrivent. Hein. Je vous demandais si vous vous étiez déjà fait pirater sur Internet. Votre compte mail, par exemple, comme Yahoo, là, 500 millions de comptes qui ont été piratés. Violent quand même. Et on en parle. 01 40 71 5000. Vous savez que depuis dimanche dernier, on fait les photos de la honte. L'équipe y est passée, sauf moi pour l'instant. Et j'ai décidé de déplacer mes photos à dimanche. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai globalement choisi toutes les photos de tout le monde. Ouais. Et que je me suis dit que c'était pas normal que je choisisse moi-même mes propres photos. C'est vrai. Parce que sinon après on allait dire ouais mais il y avait quand même pire, t'as pas mis celle-là, t'as mis que celle où t'étais plus ou moins bien, etc. Donc ce que je propose c'est que que dimanche, vous me trouviez à la limite des photos, même sur Google, peu importe. Je compte sur Amina, elle a déjà le sourire jusque derrière les oreilles, il va passer son week-end à ça, pour me trouver des photos de merde. Et donc, et que dimanche on les poste, et voilà, j'ai les photos de la honte, mais pas choisies par moi, parce que sinon on va encore me dire, ouais, t'as fait exprès, enfin bref, voilà. Je connais déjà Amina, elle était déjà prête à me coller un procès au cul. Ah bah évidemment. Si je lui mettais pas les pires photos, donc voilà, comme ça au moins c'est pas moi qui les choisis. Je ne veux même pas les voir, je vous fais confiance. Tu devrais pas. Ouais, je sais, ouais. Mais voilà, et puis on les mettra dimanche soir. Et puis en plus, Amina a accès au Facebook, donc elle pourra les même les poster sans que je. Oui, avec grand plaisir. Sans que je les vois. En cachette à 5h du mat. Ah ouais, c'est ça. Bah non, faut les mettre dans l'émission, à 20h, oui. On sera là. Bon, donc du coup, il y a Alvaro Soler qui va arriver dans quelques minutes sur Énergie. On va s'écouter aussi le son de LP. Il y aura The Weeknd avec Daft Punk, ça va être du lourd ça. Et tout ça, c'est avant 1h du matin. En attendant, on va donc récupérer Greg, accueillir Greg, ouais. Qui est avec nous à Auxerre. Salut Greg de Auxerre. Salut. Comment tu vas? Salut tout le monde. Tu vas bien? Bon bah ouais, écoute, ça va, ouais. Bah tant mieux. Bienvenue à toi. On parlait des arnaques justement, enfin des arnaques, surtout des escroqueries, du piratage. Est-ce que ça t'est déjà arrivé toi d'être piraté ou de pirater au final, ça peut arriver. Ouais, non, moi je me suis fait pirater mon adresse IP moi exactement. D'accord. Sur mon ordinateur. Et ce qui fait que j'ai reçu deux lettres recommandées d'Adopi, la fameuse loi Adopi qui avait. Ah oui. Et donc j'ai encouru quasiment 50 000 euros d'amende avec 6 mois de prison avec sursis. La vache, sympa, ils ont et pas rigolé. En fait, il a fallu qu'on se bataille, fallait qu'on se bataille pour pouvoir prouver que c'était pas moi. Ouais. Et on a eu gain de cause. J'ai vraiment eu de la chance. Là-dessus, dans mon malheur, j'ai eu de la chance de pas avoir eu de l'amende et puis la prison quoi. Oh là, putain. Donc, mais qu'est-ce que t'avais téléchargé? Moi, j'avais pas téléchargé. C'est parce qu'une fois, il y avait, je sais pas si vous vous souvenez, l'histoire, il y avait LimeWire, un truc comme ça qui avait. Ah oui, c'est un peer-to-peer. C'était un peer-to-peer. Et c'était mon frangin qui m'avait dit, ça va là-dessus, puis j'avais supprimé. Ouais. Et moi, après, je l'ai supprimé. Mais sauf qu'il y en a un entre-temps qui a chopé mon adresse IP. Ouais. Et ce qui s'est passé, après, il avait téléchargé à l'époque, parce que j'avais eu toute la liste de ce qu'ils avaient téléchargé. Ah bah, c'est bien, au moins tu savais tes films. Dr. House, en fait, exactement. Dr. House? Ouais, sur la dernière saison de Doctor House. Oh la poisse, donc, putain. Encore c'est un film de boule. Ah mais quoi, complètement. Ouais voilà, c'est ce que je dis. C'est vrai que ça aurait été un truc comme ça. Et là juste sur un truc à la con quoi. C'était la dernière saison de Doctor House à l'époque ouais. Ah putain, donc, ouais. Et donc du coup t'as rien eu du tout? Bah j'ai eu de la chance. C'est bon, ils ont réquisitionné l'ordinateur hein. C'était un portable que j'avais, ouais. Ils l'ont réquisitionné, ils ont regardé, ils ont vérifié. Ça a duré au moins 6 mois. Mais non, j'ai rien eu du tout. Parce qu'après ils ont bien vu que j'ai été piraté. Ah d'accord, ok. Putain. Donc ouais, c'est passé par la, je sais plus quoi, la Côte d'Ivoire, un truc comme ça que c'était passé. Ah oui d'accord, ok. Directement. Putain. Ah oui d'accord. Bon bah écoute, Amina, t'as déjà été piratée ou pas? Ouais, il y a pas longtemps. En fait, quelqu'un, je sais pas qui, du coup, a pris mon adresse mail pour envoyer des mails à mon ex. D'accord. Oh, c'est sympa. Ouais, c'était super. Donc j'ai reçu des SMS en disant ouais, c'est quoi ces mails que tu m'envoies et tout, et mais des trucs, mais trop la honte. Mais dans quel but ils ont fait ça? Faire chier. Non mais qui? Tu sais qui? Ben non, je sais pas. Je suis toujours à la recherche. J'ai peut-être une idée. C'est bizarre. Et ça date de quand? L'année dernière à peu près. Ouais. Ah, il était toujours sur le dossier là? Bah, je lâcherai jamais. Elle lâchera pas. Mais qu'est-ce qu'elle est lourde. Jamais. On va refaire une chanson, tu vas pouvoir venir. Qu'est-ce qu'elle est lourde. Qu'est-ce qu'elle est lourde. Qu'est-ce qu'elle est lourde. Je vais pas me laisser comme ça usurper. Usurper. Sans réagir. Ouais, c'est une meuf. Ouais, non, mais d'accord. Mais quand même, quoi. Il y a un moment, lâche l'affaire. Si tu trouves pas, tu trouves pas. Au début, t'es en rage. Et puis après, bah, tu lâches l'affaire. Ah non, non. Là, elle est prête à aller jusqu'au bout du monde pour leur trouver le mec. Oh là là là là. Quelqu'un me veut du mal. Mais que. Quelqu'un a créé un faux profil Badou aussi de moi il y a deux semaines. C'est, ici, ça se trouve, c'est le vrai. Hein. Mais ah non, t'es c'est en train pas de faire ta maline alors non. Que t'as fait un vrai profil et t'es en train de, c'est genre pour essayer de noyer le poisson. Hop là, oui, non, c'est pas moi, on m'a piraté. Non, c'est piraté, je sais pas. C'est du piratage. Pas du tout. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, je vais là penser à la placer, ça, le piratage. J'y t'as pense vu, jamais. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est qui cette meuf. Je sais pas, c'est du piratage. Ouais. On m'a piraté récemment. Ça vient du Togo. C'est ça, c'est ça. Oh putain. Bon, et donc du coup, Greg, donc t'as plus de peur que de mal, quoi. Ouais, voilà, il y a plus de peur que de mal, mais bon, ça a été quand même 6 mois où ça a été vraiment l'angoisse, quoi, parce que bon, quand ça s'est passé, ça fait déjà depuis 2007 exactement que ça s'est passé. Oula, ça a coupé là. Déjà. Non, c'est bon, tu m'entends? Ah oui, d'accord, ok, ça marche. Ouais. Très bien. Okay, ouais, ça s'est passé en 2007 exactement, 2007-2008, j'avais 23 ans à l'époque, ça fait quand même peur, hein. Ça fait quand même peur. Tu m'étonnes. Bon, écoute, très bien. Moi, un jour, on m'avait piraté aussi, mais à l'époque, j'avais un PC, tu sais, PC à la maison, quoi. Et je le laissais connecté toute la journée, tout le temps, pour rien. Ça servait à rien, mais bon, bref. Ouais, bah, c'est pareil, en fait. Je voilà. laissais connecté, moi aussi. C'est ça. Et donc. Ça, maintenant, faut tout le temps éteindre. Et je me suis dit, ouais, les antivirus, les firewalls, ça sert à rien. Il m'est jamais rien arrivé. Et c'est vrai que j'avais pas d'antivirus, pas de firewall. Et pendant des mois, il m'était jamais rien arrivé, quoi. Tout était nickel. Et puis un jour, je laisse le truc connecté et t'avais un mec qui s'était connecté sur mon ordi, forcément à distance, et qui avait tout enlevé. Il avait enlevé tous mes documents, tout le bordel. Et en fait, il y avait les docs de ma copine qui passaient des examens et tout le bordel. Oh donc non. Elle avait besoin de tous ces documents-là, quoi, tu vois, pour ses examens, tout ça. En plus, t'es à l'université. Et bah, ouais. Tout était parti, quoi. Je vais faire chier en plus, ouais, ça n'a aucun encore, intérêt. Encore le mec aurait mis un truc, c'est genre fais gaffe, tu sais, il aurait mis un truc sur le bureau, c'est genre voilà, je suis rentré, j'ai déplacé 2-3 trucs pour me marrer et puis c'est bon. Non, il avait tout effacé. Donc vraiment pour rien, quoi. Ah, c'est bizarre. Ouais, c'était vraiment pour rien. Donc c'était ça va. Finalement, c'est le seul truc où je me suis fait pirater. Ouais, sinon 2-3 fois une carte bancaire, mais au final, ils me l'ont pas. Maintenant, moi tout ce qui est carte bancaire, tout ça maintenant, moi je mets tout j'ai fait les à la banque, les cartes virtuelles, tout ça, parce que maintenant, je me méfie de tout. En fait, ah ouais. Non, ça, je fais pas. Moi, toutes les fois où j'ai eu des problèmes, tu sais, on m'avait retiré, ou on avait acheté des trucs. En général, je me suis même pas rendu compte du truc que j'ai la banque qui m'appelle. Vous dites, oui, voilà, vous avez fait ça comme des. Bon, non, non. Ah bon, ben alors, on a coupé la carte, on va vous en envoyer une autre. On vous a remboursé. Ah bon, bah très bien, bah, merci. Je veux même pas me battre en général. Donc, t'as de la chance, hein. Ah ouais, je dois pas me battre. Bon, ben merci Greg, en tout cas, d'avoir appelé. Ok, il y a moyen d'avoir un petit truc. Non, bah tu peux avoir ma main sur ta gueule. Ouais, si tu veux, y a pas de soucis. Mais oui, je vais te repasser ces bas au standard, on va te filer, il doit y avoir des places de ciné ou des compliments. Merci, puis avec plaisir. Continuer comme ça, c'est super. Salut, nuit, c'est super. Bah, merci beaucoup Greg, tu reviens quand tu veux, y a pas de problème. Salut à toi. Allez, ciao, merci. À bientôt. On va prendre Théo, Florian et Jonathan aussi à Melun. Salut Jonathan, t'es là? Salut, ouais, je suis toujours là. Bon bah bienvenue à toi. Toi aussi t'as eu des moments de pirate? Alors moi c'est pas piratage, c'est arnaque directement sur le bon coin. Ah d'accord, alors bouge pas, en même temps le bon coin il pourrait s'appeler lebonarnaque.fr, c'est pareil hein. Mais je ne connais personne qui a fait une bonne affaire sur le bon coin un jour. Si, j'ai vendu une doudoune moi une fois. Oh là là. Chaque fois c'est arnaque, j'ai arnaqué, je me suis fait arnaquer. Jamais personne. On devrait essayer de te mettre taf sur le bon coin pour voir. En termes d'arnaque, on peut pas faire pire. Bah, je pense que il y a bien des gens qui vont m'acheter. Oui, let's be free, qui va t'acheter. Ce qui est marrant aussi sur le bon coin, c'est ceux qui font des annonces romans pour essayer de te vendre un truc tout pourri, quoi. Mais oui. Bon, écoute, on va s'écouter Alvaro Soler. On va revenir avec les appels mal intentionnés. Avec vous toutes et vous tous en direct. Il y a le podcast non officiel qui dit une seule fois piraté, mais avec la double authentification sur Facebook, impossible d'y accéder. Karen qui dit, yep, je me suis fait pirater mon compte Google sur lequel tout était relié, Facebook, PayPal, etc. Et ben, un jour, je reçois un coup de fil soi-disant de la part des impôts me stipulant que j'avais fraudé et du coup on me réclame plus de 8 000 euros. Oh la vache, putain. Moi je me suis fait pirater quand j'ai commandé un laser à 5 000 euros sur son vente. Les trois gonzesses sont là, Mickaël le frimeur, Polo le mexicain et sa sale gueule, Toff le gras double. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Toff, grosse salope, je t'encule, tous debout, garage à vite. Garage à bite, ah oui, c'est Aziz. Je pense bite. Oui, c'est ça, Aziz, Aziz la boussole. Moi, j'ai jamais été piraté. Par contre, j'ai déjà piraté des amis avec une page phishing Facebook. Ah ouais, les pages phishing, c'est quand quand on vous envoie un mail, c'est genre par exemple la banque. Oui, veuillez régulariser. Ah bah, oui. Bah, bah, bah, bah. Tu cliques, t'arrives sur la vraie. Tu peux jurer que c'est la banque CIC par exemple. Sauf qu'en fait, c'est PayPal par exemple. Tu cliques, sauf que c'est pas paypal.com, c'est paypal.com, C-O-N. Oui, mais, oui, oui. Non, mais ils mettent pas con dans le sens où t'es un connard. C'est mais juste ouais. Parce que ça se ressemble tellement que tu fais pas gaffe. Et le site ressemble exactement au vrai. Tu cliques, tu mets ton login, ton mot de passe. Les pirates récupèrent le tout. Ils vont sur le vrai PayPal et ils se font plaisir. Mais c'est abusé. Ah, il faut se méfier. Hein. Faut vraiment se méfier de tout. Bon, on écoute Alvaro Soler. Les appels mal intentionnés, c'est juste après. Et puis on récupère tout le monde au 01 40 71 5000 et on est au cœur de la nuit sans pub. C'est Mickaël sur Énergie. Bonne nuit. Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. Sur Énergie, bonne nuit tout le monde, il est minuit 38. Tu les aimes, tu les détestes, mais t'écoutes, tu entends, tu peux pas t'en empêcher, tu les adores, tu ne peux pas arrêter, t'essaies de tout stopper, c'est dur, mais c'est plus fort que toi, tu voudrais que ça se termine, mais t'es là. Toutes les nuits de minuit à 4h avec Mickaël sur Énergie. Bah évidemment qu'on est là et on va se faire les appels mal intentionnés maintenant, mais évidemment qui dit appel mal intentionné dit bien entendu générique. Nique ta mère, fils de pute. Le chat de la con de ta mère à la pute. Enculé. Sabatard. Je te nique le troufion, ta grand-mère, la chore qui fait du jet ski. C'est toujours la poésie, c'est cool quand même. Bon, on va se faire les appels. Et bah, hier, on avait eu, et avant-hier aussi, notre ami suisse. Je vais bah oui. Couper vos couilles, je vais les foutre dans votre sale gueule. Voilà, il y avait quoi? Il y avait lui aussi. J'ai chopé votre maman, je l'ai bien enculé. Mais ta mère, en tout cas, je l'ai baisé tout à l'heure, elle était super bonne. Bah oui. Je la mets dans votre anus, des sales. Votre salamus. Votre salamus. Allez-y poser la question à votre mère, à votre maman de salaud de merde. Voilà. Bon, on a décidé ce soir de le laisser au... Ah bon? Tu veux qu'on le rappelle quand oui. même? Ouais. Allez. Bon, je partais plutôt sur un truc oui. où on allait le laisser respirer, lui bah laisser oui. lui laisser faire un long week-end. Oh, allez, on aura fait la semaine avec lui. Ouais. Oui, allez. Bon, on va l'user, on va l'user. Hein. Ouais, t'as ouais. dit qu'il te manquait une page en plus. Oui. Voilà. Bon, donc je vais chercher la page qui me manque. Ok. Bon bah écoute, alors on y va. Alors on y va. C'est parti. Mais on y va pourquoi? Ah oui, merde, putain, c'est vrai que je suis con, j'ai pas oublié. La question du jour, bien entendu. Faut-il coucher le premier soir? Et donc, 44% des Françaises disent oui. Ah oui, quand même. Et ouais, donc Amina est peut-être dedans. Quand même, quasiment ça, une sur deux. Ça fait quasiment. Ça, t'as une chance sur deux de pouvoir coucher voilà. le premier soir. Et les mecs sont évidemment à 55%, forcément. Ah oui. Donc il y a quand même 45% de menteurs. Bah oui, bien toujours. Sûr. Voilà, donc on peut aussi retourner le truc dans l'autre sens. Hein. Donc 55% qui se laisseraient faire le premier soir. Sincèrement, si la meuf te plaît, je connais pas un seul mec. Ni dans ce studio ni ailleurs, qui ne se laisserait pas faire. Moi, c'est faux. Arrête. Jamais le premier soir. Ouais, oui, c'est moi, c'est ça. Pareil, je suis pas un homme facile. Faut découvrir la personne. Mais oui, mais qu'est-ce qui est bande de menteurs. Oui, il faut que j'apprenne à connaître. Moi, je couche pas avec n'importe qui. Qu'est-ce qui se passe? Mais rien. Bah, ici, rien, c'est le respect de la personne. Non, c'est normal. Moi, je respecte les femmes. Ouais, ça se voit. Bon, on va appeler ton ami suisse. Allez, on y va. Allez, c'est parti. On y va. On l'appelle maintenant. Moi je voulais lui laisser un petit peu trop haut, ce sera la faute de Toff. Hein. Si jamais il gueule, si jamais il porte plainte, je suis pas responsable. Moi. Allô? Ouais. Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur. Déjà? Ah ouais, ça a été rapide. Hein. Je crois qu'il en peut plus de toi. Hein. On va le rappeler. Attends, on va le rappeler. Ouais. Mais il avait un problème avec son téléphone parce qu'on entendait super mal. Hello. Oui, je m'excuse monsieur, on a été coupé. Vous m'appelez avec un numéro masqué. Oui, c'est votre ami monsieur, je viens chercher la page qui me manquait hier. C'est votre Toff. Ami, c'est quel ami ça moi? Toff monsieur, c'est Toff. Ah là là. Et je voulais savoir si votre femme elle couche le premier soir monsieur. Ah là là. Ah là là. Encore vous? Bah oui, parce qu'on avait dit qu'on se rappelait aujourd'hui, monsieur. Mais vous êtes terrible. Bah c'est parce que vous m'avez dit que vous me manquiez une page, du coup, moi je venais chercher la page qui manque. C'est à moi de vous donner cette page? Bah oui, et de répondre à ma question. Ok, bah, très bonne soirée, monsieur. À très bientôt. Non, à très bientôt, moi et je vous rappelle tout de suite. Je peux pas conserver ma ligne comme vous l'avez monopolisée hier. Il faut bien me lâcher les baskets. Bah, oui, mais moi. Je suis au boulot les soirs. J'ai pas le temps, monsieur. J'ai pas le temps de rigoler. Bah, moi non plus, j'ai monsieur. Mais vous répondez pas à la question. Donc, du coup, moi, je suis obligé de vous rappeler. J'ai pas le temps, s'il vous plaît. Bah oui, mais. Je suis complètement débordé, là. Bah oui, d'accord, mais répondez à la question, alors, monsieur. Mais j'ai pas de réponse à vous donner. Bah si, vous me dites oui ou non. Mais franchement, vous me cassez les bonbons. Oh non, dites pas ça, monsieur. Non, mais arrêtez. Bah oui, mais si vous répondiez à la question, monsieur, je serais pas obligé de vous rappeler. Vous savez ce qu'on va faire? Non. Vous êtes un enculé. Oh non. Non, vous monsieur. Vous êtes un malade. Non. Vous êtes un malade, monsieur. Non, vous c'est avez, pas vous vrai. Vous avez besoin d'aide. Mais vous pas du tout. Vous avez besoin d'aide. Et je pense sincèrement que votre maman, elle vous a mis au monde à une période où tout le monde allait dans les plantations de café et de cacao au Brésil. Vous êtes un connard. Vous êtes un connard. C'est quoi le rapport avec le Brésil? Vous avez. Dites-moi franchement, vous. Oui. Vous êtes de quelle planète, vous? Bah, Terre, monsieur, parce que comme vous, en fait. Non, je crois pas. Je crois pas. Et vous n'arrêtez pas depuis 3 jours. Vous n'arrêtez pas de m'appeler. Bah oui, mais vous n'arrêtez pas de pas répondre. Vous continuez de me casser les bonbons. Vous continuez de m'emmerder. Vous continuez de me faire chier. Vous êtes un imbécile. Non. Vous êtes un imbécile. Oh non. Un connard. Non, monsieur, c'est pas gentil ce que vous dites. Vous non. êtes un connard. Non. Vous êtes un pavouin, salaud. Non, dites pas ça, monsieur. Laissez-moi travailler, connard. Bah, moi, je veux bien vous laisser travailler, mais répondez à ma question, alors. Mais je peux pas vous monopoliser le téléphone, je travaille. J'attends des appels, vous m'emmerdez chaque fois. Vous êtes un imbécile, non? Ou bien quoi? Faites-vous soigner, mon pote. Vous n'arrêtez pas de me mettre chaque fois en colère. Vous n'arrêtez pas chaque fois de me mettre en boule. Vous n'arrêtez pas chaque fois de me foutre la merde. Vous me foutez la merde, connard. Votre maman salope, connard. Non, arrêtez, monsieur. Allô. Il est énervé. Hein. Parce qu'il est au bout du rouleau, il n'en peut plus. Il est au bord du burn-out. Si quelqu'un peut m'expliquer quel rapport entre ta mère et le café. Brésil. Ouais. Le Brésil et les plantations de café, j'aimerais bien savoir. Et le pingouin. Et le pingouin, ouais. Bon, on le rappelle ou on le laisse pépère un peu là. Je lui souhaite un bon week-end quand même. Bon, allez, bon week-end. Et après, on le laisse tranquille. Ouais, il a au moins une semaine de vacances. Plus, il faut qu'il se repose, le pauvre. Voilà, une semaine, voire 15 jours de congé. Ouais. Ok. Bon, allez, d'accord. Bon, allez, on le rappelle. Tu lui souhaites un bon week-end et sois poli. D'accord. Allô ? Oui, je voulais juste vous souhaiter un bon week-end, monsieur, c'est tout. Mais ne me souhaitez pas de bon week-end. J'ai pas besoin que vous me souhaitez bon week-end. Vous êtes un salaud, vous êtes un enculé, vous êtes un enculé, vous êtes un malade. Vous me dérangez dans mon travail. Vous êtes un connard. Vous êtes parlé. Vous êtes de mauvaise année. Vous êtes de mauvaise foi. Vous êtes malhonnête. Salaud. Lâchez-moi les baskets. Une minute. Sinon, je pète le plan. Je vais vous découper, vous. Je vais vous tuer. Je vais vous tuer si je vous vois. Je vais vous tuer. Je vais vous découper comme de banane. Salaud, arrêtez. Vous me faites chier maintenant. J'ai mal au cœur. Arrêtez de m'emmerder. Arrêtez. Mais je voulais juste vous souhaiter un bon week-end, monsieur. Ne me souhaitez pas de vous souhaiter à votre saloperie de maman. Connasse. Salope. Fais chier. Moi, je travaille pour gagner ma vie. Arrêtez de m'emmerder. Ouais. Un petit poutou, quand même. Poutou à votre saloperie de maman. Connasse. Salope. Vous êtes un enculé pédé. Non, ça, je suis pas pédé, monsieur. C'est homophobe. Vous êtes un pédé. Vous êtes un enculé. Oh. On vous encule dans votre anus, vous. Bon, bisous. Ah, il est reparti. Ah, il a mérité son jour de congé. Hein. Enfin, son jour, sa semaine. Ah, oui. Ouais, ah, franchement, oui. Il a mérité sa semaine de congé là. 5 semaines même. Hein, ouais, réglementaire. En tout cas, on va le laisser se reposer un petit peu là parce qu'il était. Il était bon, hein. Il était au bord du burn-out. Il était. Et on va le laisser travailler un peu là. Il y a podcast officiel qui dit vous êtes des salauds au tof, hein, malhonnête. Oui, bah ça c'est vrai. Pour le coup, il a vu juste, hein. Non. Ah si, t'es sérieux quoi. Salopard, un malhonnête. Non, c'est la maman. Jeanne-Françoise qui t'offre ce connard des plantations. Mais j'aimerais bien comprendre, franchement. Franchement, ouais. Bon, on aurait bien rappelé pour lui demander une explication, mais je pense que c'est pas le moment. Non. Donc on va attendre. Hein. On va laisser pisser le mouton. Voilà. Et on va récupérer Jonathan, Romain, Alexandre et Florian aussi pour parler d'escroquerie et de piratage. Dites-nous si vous vous êtes déjà fait pirater un compte quelconque, justement. Vous nous dites ça au 01 40 71 5000, c'est le numéro du standard. Vous nous appelez, vous passez en direct à l'antenne. On va se faire le canular également et on va d'abord s'écouter le son de LP. Maintenant sur Énergie, passez une bonne nuit tout le monde. Il est minuit 47, on est au cœur de la nuit sans pub. Et venez nous rejoindre aussi, je vous rappelle qu'on tire au sort dimanche soir l'un de vous qui repartira avec son iPhone. C'est sur Facebook que ça se passe. Vous tapez M-I-K-L officiel, tirage au sort dimanche soir entre 20h et minuit. Donc voilà, la cool, jeu gratuit en plus. Donc pépère quoi. Et là comme promis, le son de LP, il est minuit 48 sur Énergie, bonne nuit. When you get older, plain or sane, will you remember all the danger we came from? Understand the toil of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me. Tu l'as bien enculé. C'était le mot de la fin. Tu te laisses faire. Tu fais rien. Lève-toi et bats-toi. C'est dur, mais continue. Tu entends. Lève-toi et bats-toi. Tu t'énerves. Hein, tu t'énerves. Allez, lâche pas. Continue, t'es sur la bonne voie. Mickaël, Toff, Polo et Amina sont sur Énergie. Et alors, profitez-en, justement, on est là. C'est le dernier soir de la semaine. On sera de retour dimanche à partir de 20h. Mathieu qui dit, j'ai déjà refusé avec trois filles de coucher le premier soir. Moi, j'attends la bonne pour ça. Eh ben, c'est écoute, bien. C'est tout à ton honneur. C'est con, mais c'est tout à ton honneur. Mais non, mais je dis c'est con dans le sens, je dis pas que c'est con. C'est con qu'il le fasse. C'est dommage de refuser de coucher avec des filles et au final. Ils sont d'accord. Non, mais utiliser ça un peu comme une sorte d'entraînement si t'es pas amoureux, tout ça. Mais oui, c'est ça. Il faut attraper que, la main. Parce que tu dis pour attendre la bonne, mais tu sais jamais, tu sauras jamais si c'est la bonne. À un moment, tu vas peut-être te dire ouais, c'est la bonne, et puis après, trois mois après, ressens, à un moment ou à un autre, ça va être fini ou ça va pas être fini. Il y a un feeling. Mais arrête de me dire n'importe quoi. Mais c'est la vérité. Oh là là. Mais c'est pas vrai, Mila. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord, mais arrête de dire ça, c'est pas ce que tu penses. C'est ce que je pense. Il y a un feeling, il y a un truc, il y a une chance. Tu lui as fait une piqûre en fait. T'es tombé amoureux ou quoi? Ça y est. Mais moi, je suis pas tombé amoureux. Je voulais savoir combien de fois Amina a ressenti le feeling et ça s'est cassé la gueule au bout de 3 semaines. Non, pas au bout de 3 semaines. Moi, j'ai eu beaucoup de relations sérieuses. Au bout de 2 heures. Pas du tout. Oh, arrête. Ouais, c'est ça. C'est jamais de ma faute. Mais donc, beaucoup de relations sérieuses, vu ton âge, ça fait quand même des relations pas très longues. C'est ça. Mais non, 4 ans, un an et demi. Après, le reste, c'était. Des problèmes. 2 heures, 2 minutes. Mais est-ce que tu avais le feeling? C'est ça la vraie question. À chaque fois. Mais oui. Non, mais le principal, on s'en fout de la durée. Il faut vivre, tu vois, l'instant et des belles histoires. Mais voilà, bah alors, autant baiser le premier soir. Mais non, non, mais il faut pas attendre spécialement pas baiser, la bonne personne. Ou parce qu'au final, tu sauras jamais si c'est la bonne. Donc, tu vas attendre. Enfin, non, après, globalement, tu fais ce que tu veux, mais. Quelqu'un de spécial, tu vois, là, trois meufs, ça se trouve, ils s'en foutent, mais, tu vois. Mais tu peux pas dire ça à toi, fais spécial. T'as vu sa gueule? Oui, c'est autre. Oui, mais non, il est spécial. Il est spécial. Si, là, oui, bah oui, il est plus que spécial, c'est un phénomène. C'est... Il est gentil. Merci. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais, tu coucheras pas avec lui pour autant. Mais c'est pas la question. Mais c'est la question. Non, il y a pas le feeling. Il y a pas le feeling. C'est un amour fraternel. Fraternel. Beau, bah ça tombe bien, on va dans le Nord bientôt. Ah, super. C'est bon, avant de se faire le canular dans quelques minutes, on va se faire le canular du jeudi, comme chaque jeudi, forcément. On va d'abord prendre. Où est-ce qu'il est? Jonathan de Melun. T'es là, Jonathan, 25 ans, comment tu vas? Ouais, bah ça va, tranquille. Bon, bah tant mieux. Alors, toi aussi, tu t'es déjà fait pirater un compte? Non, moi c'est un compte Hotmail, ouais, mais je pense que c'est dû à une vente impossible. Donc, une vente impossible, alors c'est-à-dire? Ouais. Qu'est-ce que tu appelles une vente impossible? Ah, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'onglet écrit vente impossible, c'est-à-dire que tu te vends quoi? Une planète, un extraterrestre, c'est ça? Non, en fait, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, c'était pour une voiture sans permis. Ouais. Donc j'avais reçu des emails, donc la nana et le mec très correct. Donc par contre, pas de contact téléphone, que par email. D'accord. Et le matin où je devais récupérer la voiture, pas de voiture qui existe. Soi-disant, le garagiste s'était fait braquer la veille, donc pas d'argent, rien du tout. Il fallait faire un mandat cash. Donc moi, je savais pas ce que c'était. Ils m'ont demandé la somme à la poste. D'accord. Et une fois que j'ai donné donc les codes au mec qui m'avait appelé, plus de nouvelles, plus de voiture, plus rien. Bah oui. Ah bah oui, ça tu penses. Ah mais le mandat cash, c'est l'escroquerie par excellence. Tu peux expliquer le mandat cash, toi? Bah c'est très simple, tu vas à la poste, tu donnes les coordonnées d'un mec, et donc en fait l'argent est disponible partout dans le monde, dans n'importe quel truc, genre. C'est comme Western Union, quoi. Ouais, mais c'est ça, Western Union, c'est un mandat cash. Ouais. C'est juste la marque, quoi. Ouais. Et donc c'est disponible dans le monde, tu vas au guichet avec ta carte d'identité, le mec te donne l'argent. Mmh. Voilà, c'est ça. Voilà. En liquide. Et le pire, c'est que je m'y attendais pas du tout, surtout que je regarde en 90 minutes l'enquête, et ils en parlaient, mais sur le coup de l'excitation, tu fais pas attention, et l'argent est parti au Bénin. Ah bah oui, là, et puis là, pour le récupérer, bah de toute façon, tu peux pas le récupérer, parce qu'en fait, globalement, le mandat cash, c'est comme si tu donnais, tu vois un mec dans la rue, tu lui donnes 500 euros, et il se barre, lui as donné, il t'a pas volé, hein. Ah bah oui, mais comment t'as pu faire ça, toi, Jonathan, voyons. Franchement, je vais te secouer, moi. Mais il faut jamais faire le mandat cash. Jamais. C'est jamais. C'est moi. Moi, j'avais vu un appart un jour comme ça, et donc le truc était, mais c'était trop beau pour être vrai, mais bon, j'envoie d'abord un mail. Un appart 6 chambres, piscine, jacuzzi, 150 putes à l'intérieur, H24 à disposition pour 100 euros le mois. Voilà, c'était presque. C'est une offre à l'échange, je ne peux pas. J'ai mis 500 euros au mandat cash. Non, mais genre, tu vois, genre tous les apparts dans le quartier, c'était autour de 1000 et celui-là, il était à 800, tu vois, alors que c'était à peu près les mêmes dimensions. Tu te dis, bon, bah, je vais toujours. Tu sais jamais, parfois ça peut être un bon truc. Et là, Oui, donc bah écoutez, il y a pas de problème. On peut se voir. Je vais vous donner les clés. Puis après, c'était... non, mais en fait, je peux pas venir parce qu'en fait, je suis coincé, je sais plus où. Donc, mais c'est pas grave. Vous me faites un mandat cash avec l'argent et je vous envoie la clé dès que j'ai reçu l'argent. Et je fais ouais, c'est ça. Allez, attends. Ouais, c'est ça. C'est la plus grosse escroquerie. Et après, j'ai vu qu'en fait, il y avait le même appart, les mêmes photos. C'était à Amsterdam, à Londres. Le mec, c'était même pas fait chier, quoi. C'est clair. Et il faut faire attention aussi avec les Airbnb et tout ça. Il y a aussi des escroqueries là-dedans. Alors, c'est dommage, hein, parce qu'avant, c'était plutôt cool, mais dès qu'ils se sont rendus compte que ça marchait bien, les mecs ont commencé à mettre des fausses annonces ou alors des vraies annonces, sauf que c'était pas leur bien. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu loues le truc. Non, mais c'est vrai. Tu sais, genre, je vois la maison, des parents de Tof, de Maryse. Je fais des photos, tout le bordel, je la mets en location. Le mec, il se dit, ah, bah, c'est sympa, écoute, vous la louez combien? Bah, voilà, bon, bah, je sais pas, moi, ça, 1000 euros la semaine, j'en sais rien. Le mec me paye. Je lui dis, voilà, bon, bah, les clés seront disponibles, on met ça dans une petite boîte, tu sais, comme ils font souvent dans les Airbnb, tout ça, Verbeo, là. Et, sauf que le mec, il arrive, il voit pas la boîte, il sonne. Là, Marie sort. Et mais qu'est-ce qui se passe? Bah, je viens prendre possession de la maison pendant une semaine. En pantoufle. Bien sûr. Et donc, du coup, toi, tu t'es fait fister de tes 1000 euros. Et bah, y a pas de maison puisque la maison est occupée et louée par des personnes qui ne la louaient pas, tu vois. De toute façon, dès qu'il y a de l'argent en jeu, il y a toujours une escroquerie derrière. Ah, bien sûr, là t'es dans la merde totale, c'est clair. C'est comme les fameux Mickaël Tambola, tout ça. Ah, les Mickaël officiels, les faux comptes sur Facebook et Instagram. Et bien sûr, faut se méfier d'ailleurs. Hein. Comme je l'ai déjà dit, je vais le répéter encore une énième fois. Je n'ai aucun. J'ai un compte perso, mais c'est un perso justement, c'est que pour la famille, tout ça. Donc je ne demande jamais personne en ami. Donc si quelqu'un vous demande en ami en disant oui, c'est un bon, c'est voilà, parce que t'es un auditeur fidèle, on fait un jeu spécial pour. Non, c'est du faux. Je demande jamais personne en ami. Et puis, hey, à un moment, regardez l'orthographe. Alors, je veux bien, parfois, je fais des fautes aussi, hein, comme tout le monde. Mais il y a un moment là, il faut quand même pas déconner. Quoi. Voilà, c'est-à-dire que eux, ils font quand même. C'est en phonétique. Ah ouais, c'est horrible. Hein. Et une fois sur deux, ils arrivent pas à écrire le nom correctement. Donc. Non, mais oui, mais c'est ça qui est ouf. C'est-à-dire que les mecs ne savent même pas écrire, quoi. C'est exceptionnel. Mais enfin, bref. Bon, bah écoute, Jonathan, bah merci d'avoir appelé. Et juste une question, combien tu t'es fait, tu t'es fait enfler de combien avec ton mandat là? C'était dans les 800 euros. Ah oui, quand même, putain. Ouais. Et encore ça va, pour une voiture, c'est pas si cher dans l'absolu, mais quand même, non, ça fait chier. Non, parce qu'en plus, c'était bien marqué à refaire des petites pièces. Du coup, bon, j'ai dit, ouais, il a baissé le prix. Ah bah ouais. Quoi. Alors le mec est gentil, c'est hein, bon. Tu parles. Ouais, grave. Ouais. Donc voilà, quoi. Bon, bah écoute, bah, tiens-nous. Il y a moyen de gratter un petit truc ou pas? Eh bah écoute, tu peux gratter le dos de Tof si tu veux, là, il est disponible. En plus, il y a du gratouille un petit peu là vers le haut, là. Non. Ah bon, d'accord. Il a pas l'air d'accord. Non, on va te repasser ses bas au standard dès qu'il sera revenu des chiottes. Hein, je prends mes parties là. On va te filer. Il y a des compis, des places de ciné, toujours ça avec lui, pas de problème. Ok, pas de soucis, pas de soucis. Merci à toutes les filles. Fais attention la prochaine fois, mon ami. Méfie-toi. Bah, jamais demande à cash. Jamais. Et si t'as un doute, tu nous appelles. 01 40 71 5000, tu m'appelles, je vais te dire quoi. Voilà. Jamais. Exactement. Jamais. Bon, par contre, on ne te donnera un conseil que d'une fois que tu nous auras donné fait un mandat cash. Ah bah oui, évidemment. Évidemment. Salut à toi, Jonathan. Merci à vous. Et merci d'avoir appelé. Ciao à toi. Il y aura Romain, il y aura Alex et Florian aussi dans quelques minutes. On va se faire le canular aussi, juste après le son de The Weeknd qu'on écoute maintenant sur NRJ. The Weeknd et Daft Punk, il est minuit 59. On est au cœur de la nuit sans pub. Ah oui, à la cool. Il y a Jeanne-Françoise qui a envoyé un message aussi sur le Twitter avec le hashtag et Mickaël. Ah, le Bénin, c'est connu pour ça. Demande à Virginie. Ah oui, Virginie du 59, c'est clair. Putain, j'aime bien ça. Connaît, hein. Bah, c'est une tuerie. I'm trying to put you in the worst mood. P1 cleaner than your church shoes. I really point to just to hurt you. All red lamb just to tease you. None of these toys on lease to. Made your whole year in a week to. Main bitch out of your league to. Side bitch out of your league to. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face. But I love my baby. You talking money, need a hearing. If I kill any pain, look what you got. I'm a motherfucking star boy. Look what you got. I'm a motherfucking star boy. Every day a nigga try to test me. Every day a nigga try to end me. Pull off in that roadster. Pockets overweight, getting any pain. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Let a nigga bracket, legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith of Khan. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, man, I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch out my side, I take any lane. I switch out my core if I kill any pain. Look what you done. On est sur Énergie, 1h02 du mat, bienvenue. Tu peux compter les moutons. 1, 2, 3. Mais ça ne marche pas toujours. Ou bien tu peux attendre que le sommeil arrive. Tu n'arrives pas à dormir. Parfois c'est long. Long. Très long. Très long. Mais c'est mieux de ne pas insister. Plutôt que de chercher le sommeil, écoute Mickaël sur Énergie. De minuit à 4h. Exact, et il y a un message qui vient. Coucou de la Flèche dans la Sarthe. Ça fait du bien de vous écouter car mon papa s'est fait opérer du cœur. Vous me remontez le moral. Bonjour à toute l'équipe, c'est Cédric. Et bah salut Cédric. Et puis j'espère que ça va bien pour papa là. Il y a Let's Be Freaks qui nous salue. Bah salut à toi. Et Al aussi. Hello la team, heureux de vous retrouver. Eh ben merci. Eh ben merci. Eh ben voilà. C'est et cool. On est là. Mickaël et votre message au 612. Si vous voulez passer en direct dans l'émission, vous êtes évidemment les bienvenus. Vous pouvez appeler au 01 40 71 5000. C'est par le standard, hein, tout simplement. Et puis vous pouvez aussi venir nous rejoindre sur Facebook, Twitter et sur Instagram. C'est MIKL officiel. Vous le savez, tous les jeudis, on se fait le canular. Et donc pour faire le canular ce soir, il y a Jérôme qui est avec nous maintenant. Salut Jérôme. Ouais, salut. Comment ça va? Ça va. Bon, okay. Très bien. Alors Jérôme, t'es là pour le canular que nous allons faire ce soir. Canular, tu veux piéger qui, dis-moi? Je rappelle qu'on peut piéger n'importe qui globalement dans le canular. Hein. Tu veux faire quoi? Eh bien, moi c'est ma copine que je vais piéger ce soir. D'accord, qui s'appelle comment? Elle s'appelle Stéphanie. D'accord, quel âge elle a? Alors elle a 25 ans. Et elle fait quoi dans la vie? Alors elle travaille à l'UDAF. Elle s'occupe des personnes qui sont sur tutelle et curatelle. Ah d'accord, ok, très bien. Très bien, ok. Ouais, mais bon. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, vous habitez ensemble? J'ai eu un bug. Ouais, c'est exact. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble. On a un petit garçon ensemble. Ah ouais, d'accord, ok. C'est du lourd, quoi. Enfin, ça fait vraiment. Ouais, c'est du lourd. Quel âge a le petit? Il a 1 an et 6 mois, à peu près. 1 an et 6 mois, d'accord, ok, voilà. Très bien. Il s'appelle comment? Il s'appelle Nathan. Nathan, bon, très bien. Alors, qu'est-ce que tu veux lui faire croire, toi, ta copine Steph, alors? Enfin, t'as presque femme. Ouais, c'est exact, presque femme. Ouais. Eh ben, on s'est pris la tête aujourd'hui, enfin, du moins, avant qu'elle parte travailler ce matin. Ouais. Et depuis ce matin, elle n'a plus aucune nouvelle de moi, parce qu'elle n'arrête pas d'essayer de me joindre, et je ne réponds pas au téléphone. Pourquoi? Donc, tu crois que tu... Ah, dans le but de faire le jeu? Non, même pas dans le but à l'origine, parce que c'est vraiment qu'on s'était pris vraiment la tête. Ouais. Et franchement, j'avais pas envie de lui parler ce soir. Et d'accord. Parce qu'on s'était un peu pris la tête à cause d'elle. Mm-hmm. Donc, j'étais sur Facebook. C'était quoi l'histoire? Pourquoi vous avez pris la tête? Bah, parce que depuis qu'on a notre petit garçon, elle a tendance à être un peu distante envers moi. D'accord. Donc, je lui avais fait un peu rappeler légèrement et elle l'a un peu mal pris. Me dire que c'est normal, le petit lui prend beaucoup de temps. Une aussi, pipe hein. De temps en temps, c'est ouais, pas non plus cher payé, quoi. Voilà. Non, mais attends, on est amis là. Voilà. Non, mais c'est vrai, attends, il faut un minimum quand même dans un couple. C'est pas parce qu'il y a un enfant qu'on ferme la boutique. Non, mais on n'a pas dit qu'elle allait fermer la boutique. Non, peut-être qu'elle est ouverte de temps en temps. Non. Ouais, c'est ça, non, genre quoi. Boutique, genre c'est la poste, quoi, tu sais, c'est ouvert 2 minutes par jour. Non, mais même pas, encore sur ça, ça va. Non, c'est vraiment. Moi, c'est plus les attentions qui manquent, quoi. C'est vraiment les petits trucs. Mais quoi, t'es un gamin pour avoir des attentions, mec? Non, les gamins, c'est ceux qui pensent qu'au cul, les hommes, c'est ceux qui pensent qu'autre chose qu'au cul. Mais non, ah, non, c'est pas vrai, mec, c'est pas bon, vrai. Et donc, quel est le problème alors, si c'est pas le cul? Eh ben, c'est tout le reste qui va pas, en fait. Ah, d'accord, donc le cul, ça va? Ouais, en fait, c'est ça, C'est déjà ça. C'est déjà ça. Bon, c'est déjà ça. Bon, et la conversation, ça va, mais non, c'est le temps, en fait. On a moins de temps, nous, quoi. Bah oui, mais ça, voilà. Oui, mais ça pour le coup, c'est normal. Si vous avez un enfant, c'est logique que qu'il y a un peu moins de temps. Quand on a envie de passer un petit peu de temps, il y a toujours des excuses. Enfin, c'est ouais, les histoires alors... de couple. Et puis il a un an et demi, il est grand, il peut s'occuper tout seul. Le petit. Bah, non, il a un an et demi. Ah, Mina, voyons. Bon, du coup, alors qu'est-ce qu'on peut faire comme canular là, du coup? Eh ben, du coup, je lui ai dit que je rentrerai sûrement pas ce soir. Donc, ah ouais. Je vais l'appeler, je vais lui dire que je dors chez une copine qu'elle connaît pas, parce que. Et qu'elle est tellement jalouse, j'ai pas de copine. Ouais. Donc je vais lui faire croire qu'au final c'est une fille que j'ai rencontrée à mon lieu de travail. Et que bah j'ai bien sympathisé depuis quelques temps et qu'elle m'avait proposé un soir que si j'avais une souci. Bah alors ce qu'on va faire, parce que oui, ça va l'énerver, mais elle va peut-être être triste parce que tu t'es quand même en train de sous-entendre que tu vas la tromper, quoi, tu vois, ou que t'as toutes les possibilités de le faire. Non, parce que c'est que je suis pas comme ça, non, mais rien que le fait déjà qu'à sache que je vais dormir chez une fille, ça va déjà lui faire péter les plombs. Bon, ce qu'on peut faire, après, parce qu'il y a Amina qui peut évidemment jouer la fille sans problème, même si ça va être difficile pour elle de jouer la fille, mais bon. Mais ah ouais, c'est agréable, ça va finir chez les flics. Et donc, du coup, ce qui serait bien, c'est qu'à la limite, je sois, tu sais, genre, on est en colloque avec Amina et puis bah oui, le but c'est que tu sais, c'est pour la chauffer un petit peu. Moi évidemment je vais être avec toi en disant que ta copine, faut quand même pas déconner, ça reste c'est la mère de ton gosse, mais il y a un moment tu peux aussi les baiser ailleurs, enfin bref, le but c'est de la chauffer un peu, bien entendu qu'elle m'insulte bah oui tu as appelé des macos, pas de problème, voilà, pas évidemment de problème. Bon, très bien, comment s'appellerait éventuellement ta collègue? Je sais pas, moi, est-ce que ça va un nom, parce que je vous avoue que je travaille surtout qu'avec des hommes la plupart du temps, donc. Ah, écoute, très bien, bon, on va l'appeler Virginie. Il voilà. Y a pas des prénoms Virginie, qu'elle déteste? Ouais. Un prénom qu'elle déteste féminin? Un prénom qu'elle déteste est féminin. Anaïs. Anaïs, elle va s'appeler Anaïs. C'est une ex à moi, donc je sais que, ouais, Anaïs. Eh ben voilà, parfait. Eh ben très bien. Anaïs, ma foi, c'est pas mal. Je pense qu'on va faire ça. Tu bouges pas, on va se mettre un son et puis on va l'appeler juste après. Hein, ça fait depuis ce matin que tu donnes plus de nouvelles, on est plus à 2 minutes près. Hein. Ouais, je pense, ouais. Voilà. Ouais, y a pas de soucis. Bon, reste avec nous, du coup, on va se mettre un son, je t'en prends après. Bouge pas, hein. Ok, ça marche. Bon, très bien. Bon, alors, on va s'écouter 21 Pilots maintenant sur Énergie. 1h09 du mat. Les appels mal intentionnés à suivre aussi. Et puis, vous toutes et vous tous en direct. Et 21 Pilots, hey, n'oubliez pas que si derrière il y a le son de Nash, vous repartez avec l'iPhone 7, le jeu FIFA 17 et les places pour le concert de 21 Pilots. Ça, c'est avec le double hit. Si jamais vous entendez le son de Nash derrière 21 Pilots, envoyez simplement Michael espace double espace votre numéro de téléphone au 612. Pas la peine de le faire maintenant. Faut attendre que le deuxième son s'enchaîne, évidemment. Et c'est pas sûr qu'il va le faire. Je dis ça, je dis rien. Mais ça pourrait. 21 Pilots, on écoute ça maintenant sur Energy. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize. All my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. That's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man. But literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. drinking too much. Help me. I've been thinking too much. Help me. I've been thinking too much. I've been thinking too much. Tout le monde, c'est Mickaël sur RG et Nash ou pas alors, Polo? Bien sûr que non. Pauvre con. Tu te laisses faire? Tu fais rien? Lève-toi et bats-toi. C'est dur. C'est dur, mais crois-tu? Tu entends? Lève-toi et bats-toi. Tu t'énerves. Hein, tu t'énerves. Allez, lâche pas. Continue, t'es sur la bonne voie. Mickaël, Toff, Polo et Amina sont sur énergie. Toutes les nuits, on est là justement. Je rappelle que le dimanche, on est là aussi de 20h à minuit. On sera là dès dimanche hein, avec l'iPhone à gagner. Si vous voulez tenter votre chance, rencard sur le Facebook de l'émission, c'est M-I-K-L officiel. Il y aura le son de WNW qui va arriver. Ça va arriver avant 2h du matin. Il y aura Charlie Puth, il y aura Shakira également et Alonso. Et on va récupérer Romain, Alexandre, Florian et Mathieu dans un instant de Morières-les-Avignons. Mais avant ça, évidemment, on va donc se faire le canular maintenant en espérant qu'il fonctionne forcément. C'est avec Jérôme. T'es toujours là, Jérôme? Ouais, je suis toujours là. Bon, très bien, parfait. Alors, Jérôme, on va jouer maintenant pour le canular, le principe pour ceux qui viennent d'arriver. Tu veux qu'on l'appelle Steph, ta copine donc? Enfin, on peut dire ta femme, ta compagne, hein, puisque vous avez un enfant ensemble et que vous habitez ensemble depuis 8 ans. Et elle a 25 ans. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, vous avez un petit qui s'appelle Nathan. Bon, ça, c'est pas le plus important dans le canular. Et en fait, vous êtes embrouillé ce matin. Et depuis ce matin, tu lui réponds plus. Sympa. Voilà, c'est ça, ouais. Eh ben, elle va être contente, tiens. Tu fais quoi, toi, Amina, si jamais t'es avec ton mec, il te répond plus toute la journée, il te répond pas? Ah, mais il y aurait pas toute la journée qui se serait passée. Parce que je serais allée à sa recherche, évidemment. Poursuite dans toute la ville s'il faut, il y a pas de problème. Oh là là. Et après, ce serait fini chez les flics. Et oui, de toute façon, quoi qu'il arrive. Hein, c'est... le meilleur rencard pour Amina, c'est chez les keufs. Hein. D'ailleurs, elle devrait trouver un flic. Ouais, mais en général, ça se passe pas toujours bien. Donc Avec les flics? Ouais. Ouais, mais c'est parce que t'es pas tombé sur les bons, c'est pour ça. Bon, donc on va l'appeler maintenant. Tu vas lui faire croire que pour l'énerver, évidemment, puisqu'elle est plutôt jalouse, que en fait, comme tu rentres pas ce soir, t'as été hébergé par Anaïs, donc une collègue à toi, qui habite également avec un mec, mais un coloc, hein, genre Michel, bien sûr, hein, qui va tout faire pour énerver ta copine Steph. Tu bosses dans quoi, au fait? C'est quoi ton taf? Je travaille dans la restauration. Dans la restauration, d'accord. C'est quoi, genre un grand resto? Barman. Barman. Eh ben, très bien. Donc justement, c'est pour ça qu'elle est très très jalouse. C'est parce que je côtoie énormément de gens dans ce milieu-là. Très bien. Et Anaïs étant la barmaid, comme ça vous faites un duo, quoi. Elle connaît tes collègues, non? Ah, c'est mieux une cliente. Non, parce que disons, ça change souvent, en fait. Dans la restauration. Ouais, ou une cliente, pourquoi pas. Bon, tu fais comme tu veux. Très bien. Mais ça change rien parce que dans tous les cas, elle connaît jamais parce que c'est toujours. Je change tout le temps en fait. Je suis indépendant. Ouais. Donc je travaille avec tous les traiteurs, tous les barman. Bon, alors dis client. Alors c'est bon, très bien. On va l'appeler. J'espère qu'elle dort pas. Tu me diras si elle est en stress parce qu'elle a pas de nouvelles de toi. Je pense que même si elle dort, elle va au moins laisser son téléphone branché histoire de savoir. Ton fils, il est où là? Il est avec elle? Bah là, il dort, mon petit, à mon avis. D'accord. Mais il a sa chambre. Oui, là, ça. Ah bon, d'accord, ouais. Ok. Donc, s'il se vénère, elle ne réveille pas le petit pauvre. Oui. Bon, allez, c'est parti, on y va, on appelle Steph. Ça marche. Non, impec. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 06. Parfait, heureusement, Seba au standard m'a mis directement la ligne du fixe. Mais on voit quand même qu'elle a rien à foutre de toi, puisque de toute façon, c'est le répondeur. Hein. Bon, on rappelle. Enfin, on rappelle pas, mais on appelle le numéro fixe. Là, ça va être le répondeur, et on aura tout gagné. Allô? Ouais, bébé, c'est moi. Allô? Oui? Ouais, c'est moi. Ouais. Bah, enfin! Tu m'appelles sans fixe maintenant. Et puis, t'as pas peur que Nathan il se réveille? Bah, désolé. Bah, je t'appelle là. Écoute, je vais pas rentrer ce soir. Comment ça, tu rentres pas? Bah, j'ai une copine qui m'invite à dormir à la maison chez elle ce soir. Donc, je pense que je vais rester chez elle le temps de réfléchir. Une copine? Ouais, une copine. Mais quelle copine? T'as pas de copine? Il veut pas qui c'est, hein? Bah, une collègue de. Enfin, pas une collègue de boulot, mais une cliente de boulot. Bah, ça te prend comme ça, toi? Tu dors chez des filles comme ça? Bah, non, mais en même temps, j'ai personne chez qui dormir et puis j'ai vraiment pas envie de rentrer à la maison. Non, mais t'as raison, Jérôme, pose tes couilles sur la table, quoi, tu rentres pas. Bah, alors là, si tu rentres pas, moi et ton fils, tu peux l'oublier, hein? Pose tes couilles sur la table, c'est toi qui décides, c'est pas elle. Attends, j'arrive. C'est, ah non, mais c'est le collègue à la copine. Qui ça? C'est le collègue à la copine. À un moment, c'est pas elle qui décide non plus, hein. Faut pas croire que. Ouais, j'arrive. Non, mais lui, il a rien à dire. Ouais, mais c'est bon, t'inquiète. Mais Non, mais c'est qui cette fille? Non, mais tu dors pas chez une fille, hein, ça va pas ou quoi? Mais t'inquiète, je rentrerai, je sais pas. Tu rentres? J'entends que t'es en train de négocier. Négocie pas, tu dis que c'est comme ça, point. Tu poses tes couilles sur la table. De toute façon, oui, c'est clair, ouais. De toute façon, enfin voilà, bébé, je t'ai dit, ça commence à péter. Non, mais je vois pas pourquoi tu irais. Non, mais tu vas pas dormir chez une fille, je suis désolée. On se prend la tête, ok, mais tu dors pas chez une fille. Mais de toute façon, il n'y a pas le choix. Non, mais je la connais pas, Non, mais. Non, allô, non, mais tu dors pas. Bon, tu viens? Allô? Oui? Ouais. Non, mais. Bon, Jérôme, c'est bon, sinon, il va rien passer, il y a son coloc, tout ça. Bah, Jérôme, sinon, passe-lui Anaïs, comme ça elle lui parle, elle va être rassurée. Ah oui, c'est voilà. Ouais, bah tiens, non, que, bah, non, que... non, mais. C'est pas que ça va faire. Oh là là, allô? Oui, t'es qui? Oui, bonsoir. Bah, Anaïs, enchantée. Bon, c'est quoi le problème? Bah, je vois pas pourquoi il dormira chez toi. Faut pas qu'elle gère tout ça. Hein, ouais, non, mais laisse tomber, elle saoule. Non, mais repasse moi. Bah, je sais pas, apparemment, tu voulais me parler, donc on va essayer de faire vite parce que là. Mais j'ai jamais dit que je voulais te parler, hein. Mais c'est quoi le problème? Je sais pas, apparemment, tu l'appelles et tu l'agresses. Bah, je l'agresse pas. Il me donne pas de nouvelles, il se barre comme ça. Ouais, bon, bref, bah écoute, il m'a dit qu'il avait besoin d'un endroit où dormir parce que apparemment c'était la crise chez lui et voilà, il va dormir ici ce soir. Bah je m'en fous, il rentre, il dort sur le canapé, mais il dort pas chez toi, ça va pas ou quoi? Non, il va dormir sur le canapé aussi, c'est pas le problème. Oui, non, bah. On dormira ensemble sur non, le canapé. C'est rien qu'il dorme sur le canapé ou pas, hein. Bon, voilà, t'es rassuré là, c'est bon là, tu vas. Non, non, non. Tu vas être tranquille, tu vas rester tranquille. Ouais, elle est chiante, elle comprend rien. Bah, bon, ouais. Donc c'est bon, il peut raccrocher et passer la soirée tranquille ou faut. Non. Bah c'est quoi le souci? Non, mais repasse-le-moi là. Bah attends, repasse-le, vas-y, vas-y. De toute façon, va faire le lit. Vas-y. Bon, tiens. Bon, non, c'est mais la soirée n'est pas finie, là, quand même. Non, mais tu rentres, hein. Non, non, mais de toute façon, en plus, là, on est en pleine soirée, franchement, je me vois pas rentrer. C'est ça, bah non, mais moi, je les connais pas. Vas-y, te laisse pas, pas plus, faire, te laisse pas faire. Je les connais pas, je vois pas pourquoi tu irais dormir chez des gens comme ça, surtout chez une mais fille. Mais de toute façon, c'est pas le style de tes potes, enfin, tu t'aimerais pas, alors c'est pour ça que je les ai pas présentés. Donc, voilà, t'as raison, de toute façon, tomber, te laisse pas faire, c'est quoi le mec? C'est quoi le mec? C'est quoi le mec? C'est ça que tu rentres chez toi, mais vas-y, c'est bon. En bas, hein. Mais non, mais c'est bon, tu vas pas faire ça, c'est bon, j'ai bah, juste envie si. De passer du temps, prendre du recul, j'en ai besoin. Non, c'est des menaces en l'air, l'écoute pas. Ouais, voilà, elle te menace, c'est tout. Hein. Moi, la porte, elle est fermée. Hein. Elle te menace, c'est tout. Bah, c'est pas grave, j'ai les clés, chérie. Ouais, il vaut mieux qu'elle ferme la porte, pour les voleurs. Tu le prendrais comment? Tu serais pareil? Je sais pas, si ça peut te faire du bien. Tu me laisserais pas dormir chez quelqu'un comme ça que tu connais pas. Hé, Jérôme! Ouais. Eh, hey, dis-lui que si elle veut, elle peut venir dormir chez moi, hein. Ouais. Bah, t'as qu'à venir, on vient. Bah, mais oui, non, ou alors habite. Bah, non, je me casse, moi. Ou alors on fait un échange, moi je vais chez toi, tu restes ici. Non, mais ton fils, t'en fais quoi, là? Mais je rentrerai demain, c'est bon. C'est ouais, c'est bon, vas-y. C'est bon, bah, ça va pas, non, mais. C'est pas elle qui décide, hein. C'est qu'une femme, hein, faut pas déconner, hein. C'est pas la fin du monde, c'est pas comme si je vous abandonnais. Je prends une soirée, là, j'ai envie de me mettre en pyjama, c'est tout. Ouais, voilà, c'est ça, on est en mode pyjama, là, tout roule. C'est ça, mais vas-y, tu me saoules. Allô? Bah, t'as raccroché à la gueule, Jérôme. Complètement raccroché à la gueule, dis donc. Bon. Voilà, ma femme. Ah ouais, mais ce qui est bien, c'est qu'elle a un air. Oh, bah non. Elle est gentille quand même. Et franchement, elle est encore gentille, ouais, elle s'énerve. À mon avis, c'est peut-être parce qu'elle est petit killer, elle a pas trop envie de dire. Ah ouais, voilà, ouais, c'est ça. C'est pour ça, ouais. Elle, parce que ça va, elle s'énerve pas de. Tu vois, elle est pas dingue non plus, quoi. Bon, on la rappelle. Non, ça va, comparé au message vocal que j'ai eu cet après-midi, ah non, ouais c'est vrai que c'est autre chose. Putain, c'est dommage, ouais. Il fallait qu'elle garde toute son énergie maintenant, là. Bon, on la rappelle. Ouais, j'avoue, ouais. Et tu peux lui dire, mais tu vois, et quand elle a gueulé, du coup, t'appelles sur le fixe, t'avais qu'à dire. Bah, on l'a appelé, mais ça décrochait pas. Oui. Ouais, ok, tu m'appelles d'où, là? Mais je t'appelle du fixe, là, parce que j'ai plus de batterie, vu que t'as essayé de m'appeler je sais pas combien de mille fois, là. Du fixe avec qui? Allô? Bah, notre fixe. Le fixe à Nice. J'ai dit, je suis chez elle, là, je suis posé, là, on est posé chez elle, on fait une petite soirée cinéma, ah, là. Ah, c'est déjà chez elle, quoi. Bah oui, bah, où tu veux que je sois. Bah voilà, bon, alors c'est bon là, elle va pas. Eh, demande-lui si elle peut venir éventuellement te déposer les affaires pour demain pour te changer, hein, parce que sinon au travail ça a pu la. Ça a pu... Non, mais c'est qui lui? Non, mais. Ouais, d'ailleurs, c'est vrai, je veux bien les affaires. C'est possible que tu m'apportes ça. Non, mais ça, bah, tu fous ma gueule, mais... non, mais ça va pas, quoi, tes affaires. Non, mais c'est bon, attends. Vas-y, qu'elle vienne déposer les affaires, pas nous chier une pendule encore une fois. Ouais, bah, viens les chercher, tes affaires, tu vas les retrouver en bas, je te le dis. Ouais, vas-y, et si elle peut ramener. Rentre tout de suite parce que ça va pas le faire. Eh, si elle peut ramener un peu de bouffe. Là, vite fait, si elle peut ramener un peu de bouffe. Et tu rentres plus. Eh, si elle peut ramener un peu de bouffe. Ouais, ouais, ouais, il y a ce qu'il faut à la maison en plus. Ah bah, non, tout ça. Tu te fous de ma gueule. Eh, je peux venir récupérer mes affaires là au pire. C'est ça, mais tes affaires tu les récupères, mais tu reviens pas. Oh là là, arrête, c'est des menaces, c'est que des menaces en l'air. Vas-y, tu vas voir. Essaye, essaye, tu verras, elle fera rien. Elle fera rien, c'est comme toutes les meufs, elle parle, mais ça agit jamais. C'est ça. Et puis ta télé, ta console et tout, bah je pète tout. Bah allez, ça agit jamais, ça agit jamais. C'est que du cinéma. Non mais sérieux, c'est pas la fin du monde, arrête de t'énerver comme ça. C'est la dernière fois que tu t'es fait une soirée de merde. Non mais tu me prends pour qui? Et qu'est-ce qu'elle va dire alors le jour où tu vas lui proposer un plan A3 ou un truc comme ça? Ah c'est bien ça. Ah en fait on connaît plusieurs filles hein. Bah non, mais quelques-unes, bah avec le travail en même temps, enfin voilà, après je les mets pas sur mon portable parce que je suis quand même effacé, donc... Bah c'est ça, c'est parce qu'en plus elle fouille dans ton portable. Elle est malade. Ah bah ouais, bah attends. Elle est complètement cinglée ou quoi là, on est où là? Je pouvais bien avoir des doutes en fait, hein. Ouais, ouais, mais là t'as aucun doute à avoir là. En plus, il y a son copain, tu crois qu'on va faire quoi, un truc à trois ou quoi? C'est ça, il y a un doute, il y a pas de doute. Son copain, c'est son coloc, je croyais. Ouais, c'est ce que je viens de te dire, c'est son coloc. Alors... En plus, elle comprend rien, bah vas-y, laisse tomber. Tu me dis que c'est pas, tu vas pas aller coucher avec elle ou je sais pas. Mais parce que ça m'intéresse pas, enfin, c'est une copine, c'est une co... Enfin voilà, je suis là pour dormir, je suis pas là pour. Enfin, je sais pas. Mais oui, on garde les pyjamas. Ouais, voilà, une c'est copine. Ça, on reste en mode pyjama. Bon, hé, bon, tu ramènes un peu à bouffer ou pas? Écoute, écoute, tu me saoules là, je t'ai dit que j'allais juste passer une soirée et que je rentrais pas parce que j'avais besoin de m'aérer la tête. Je sais pas, si t'arrives pas à comprendre, bah écoute, c'est vraiment que ton couple est en danger. Moi, je suis là vraiment pour essayer de rétablir notre couple. Donc, si je te dis que j'ai besoin d'air, enfin de me reposer, c'est vraiment que j'en ai besoin. Bah, tu peux prendre l'air si tu veux, mais t'es pas obligé d'aller dormir chez une copine, quoi. Je sais pas qui c'est. Oh là là! Mais j'ai besoin de me retrouver sans toi. J'ai besoin d'être tout seul. Eh ben, chez un copain, je sais pas, moi, mais dors pas chez moi. Jérôme, t'as qu'à lui dire que tu dors chez moi. Et que j'ai une coloc qui s'appelle Anaïs. Oui, c'est ça, je vais te prendre maintenant. Bah là, on est comme ça au moins, tu vois, tu dors chez un copain et il y a une meuf. Parce que là, t'as dit que tu dormais chez une copine et qu'il y avait un mec. Bah, fais-la à l'envers, c'est une meuf, elle va tomber dans le panneau. Ouais, un peu bébête. Bon, bah voilà. Ouais. T'as entendu? Non, mais de toute façon, maintenant, tu peux aller dans ce que tu veux, je te prends plus. Oh là là. Eh, Jérôme. Non, mais c'est bon. Eh, il faut du courage quand même. Hein. Elle est gentille, non, soirée. Ouais, mais tu peux rien faire, tu peux rien dire. À chaque fois, c'est vraiment. C'est ça. Oh, n'importe quoi, mais si, attends, quand même, hein. C'est la prison, ta meuf. Non, ouais, mais moi, tu dois prendre l'air et l'autre, tu dors chez une fille, quoi. Oh là là, t'as jamais dormi chez un mec, toi? Non. Arrête. Bah non. Arrête. C'est qui, toi, en plus? Je m'appelle Michel. Je te connais pas, hein, t'es un mais... papa, mais je te connais pas. Je m'appelle Michel. Ah bon? Bah ouais. Un drôle de nom, quand même. Bah non, c'est un prénom, il y en a 150, je sais pas combien il y en a, mais enfin, il y en a beaucoup, quand même. Hein. Bah ouais. Bon. Steph, t'es un peu jalouse, là, quand même, hein? Bah oui. Un peu mais trop, hein? Pourquoi tu m'appelles Steph, toi? Pourquoi? Tu t'appelles pas Steph? Si. Et je peux pas t'appeler Steph? Tu veux que je t'appelle quoi, Thérèse? Non. Germaine? Non. Je t'appelle comment, alors? Stéphanie. Bon, bah, Stéphanie. Oh, excusez-moi, mademoiselle ou madame. Bon, Steph. Ah, Annie, pardon. Stéphanie, pardon, j'ai oublié la moitié du mot. Ouais. Hey, Jérôme, t'as du courage. On voit que c'est pas toi qui tiens la culotte à la maison, hein, qui porte la culotte à la maison, hein. Ouais, j'avoue, de temps en temps, je le demande. Ouais. Ah ouais, on voit que c'est elle qui gère le bordel. Hein. Bon, Steph, c'est nickel, t'es sur énergie, ça va, c'était le canular. Voilà, il a pas décroché de la journée pour le canular. Bah oui, mais bon, hé, hey, Steph. Steph. Non, mais je t'appelle pour longtemps. Je t'appelle 36 fois, là, tu me réponds pas. Parce que bah ouais, mais c'est le but. Non, mais c'est le but. Mais putain, t'es chiant, Steph. Genre, il peut rien faire. Attends, elle est gentille. Mais comment ça, elle est... Oui, elle est gentille, mais elle est chiante oui, quand même. Elle est pas chiante. Oui. Ouais, tu viens dormir dans la maison. Ouais, je te mets dehors. Attends. T'as raison, moi je suis avec Stéphanie, moi. Non, mais depuis quand tu mets un mec dehors parce qu'il va dormir chez une meuf? Il n'a pas à dormir chez une copine comme ça. Eh, Stéphanie, t'as raison. Il avait qu'à pas travailler dans la restauration. En plus, ils ne répondent pas de la journée la et honte. Tout. Et alors honte. Attends, alors, j'ai une meuf. Vas-y, Amina, ils sont autant jaloux que moi. Elle a raison. Ah, en plus. Ah ouais, bon, alors s'il est aussi jaloux, alors j'ai rien dit. Alors j'ai rien dit. Bon, on va très bien. Bon, Jérôme. Ouais. Jérôme, du coup, tablette Samsung Galaxy Tab A pour toi. Yes. Et puis, bah avec plaisir, écoute, pas de problème, tu vas rester au standard et puis, bon, bah tu vas rentrer à la maison alors maintenant. Eh ben écoute, ouais, je pense que maintenant je peux rentrer, ouais. Et dépêche-toi. Ouais, si elle veut bien. Mais de lui demande pas son avis, t'es chez toi, Jérôme. Impose-toi, mec. Voilà, ouais, c'est toi qui prends tes culottes. Tu poses tes couilles. Casse la porte. Ah ouais, sauf que toi, tu poses jamais ses couilles. Le mec le moins viril du monde, il dit ça. Ça aurait été sa meuf. S'il te plaît, mon amour, je peux rentrer. Je vais dormir sur le palier. Qu'est-ce qu'il y a? Sur la carpette devant la porte. Je suis gentil au téléphone, mais attention. Non, mais on parlait de teuf. Comment il appelle ses meufs encore? Ces petits noms doux, tu sais, genre loulou, mais pas loulou. Putain. Comment tu sais? Arrête, toff, genre t'as pas les petits. Mamour, il appelle. C'est mignon. C'est pas comme ça que t'appelles tes meufs? Jamais appelé une meuf mamour, t'es ouf. Ah ouais? Toi. Putain, qui c'est qui a. Si, j'étais persuadé. Mais jamais. C'était quoi? Il y a bien des noms, dis pas. En genre, il en a pas, alors attends, voilà. Genre, t'en as pas. Amina, t'appelles comment tes mecs, toi? Moi, ouais, c'est honteux à chaque fois. C'est quoi, mais dis-le! Le dernier, c'était Kelly Nounours. Le dernier qu'on a vu? Encore avant. Kali Nounours. Ouais, c'est mignon. C'est bien parce que c'est court en plus comme prénom, enfin comme surnom, c'est bien. Non, mais dans les magasins, c'était genre Kali, tu vois. Mais, oh là là. Et toi, Jérôme, tu l'appelles comment ta meuf? Ma crevette. Oh là là. Et la crevette, tu l'appelles comment? La crevette? Bah oui. Tu l'appelles comment ton mec? Sac à merde. Sac à merde. Non, mais doudou. Mon doudou. C'est mignon. Oh là là, mon doudou. Oh putain. Bon, eh ben, on va vous laisser là les bandes de les ringards hein. On va vous laisser au standard Steph et Jérôme. Donc la tablette Samsung Galaxy Tab A pour vous. Et puis vous revenez quand vous voulez. Salut les gars. Super, merci énormément, bisous à toute l'équipe. Allez, salut à toi, et si vous avez aussi envie de jouer avec nous, si vous voulez faire un canular, si vous voulez faire un monteleur, elles adorent qu'on leur monte, qu'on fait le mardi en règle générale, un chéri je peux te faire cocu, bref, c'est pas ça qui manque hein. Si vous voulez même piéger votre ex également, ou merci pour ton ex, eh ben n'hésitez pas, vous appelez maintenant 01 40 71 5000. On va se faire les appels mal intentionnés dans quelques minutes. On va également écouter le son de WNW avec Hardwell et Lil Jon maintenant sur Énergie. Passez une bonne soirée tout le monde, bonne nuit même. On est au cœur de la nuit sans pub à la cool, 1h29. On va également récupérer Romain, Alexandre et Florian ainsi que Mathieu pour parler des arnaques. Est-ce que vous avez déjà été piraté sur internet, votre compte mail, votre Facebook ou n'importe quoi? Appelez-nous et on en parle sur Energy. C'est Mickaël sur Énergie. Il y a le son d'Alonso qui va arriver dans quelques minutes, c'est ça. Bon, pourquoi il marche plus? Ah bah voilà. Il y aura Charlie Puth et Selena Gomez, la belle Selena Gomez. Il y aura Shakira et Shawn Mendes. Allez, restez là. Bah on est tranquille à 1h32 en direct hein, sur Énergie. 01 40 71 5000, vous nous appelez, vous passez en direct. Mickaël sur Énergie. C'est du lundi au jeudi. Et le dimanche de 20h à minuit. Alors sois au rendez-vous. Bah oui, soyez là, évidemment, forcément. Ouais. Bon, on va se faire les appels mal intentionnés. On récupère Romain, Alexandre, Florian, Mathieu également. On va se faire le karaopé tout à l'heure. Si vous voulez vous inscrire au karaopé, faites le 01 40 71 5000 ou alors par SMS, vous envoyez Mickaël espace karaopé, hein, P-E-T à la fin. Et vous laissez votre numéro de téléphone au 612. Même numéro pour la France et pour la Belgique. Et attention! Comme je l'annonçais hier et avant-hier, nouvelle règle du jeu ce soir pour le karaopé. Ah oui, c'est vrai. Voilà, on a bon, c'est une nouvelle. J'ai peur. Non, mais on a, il y a quelques mises à jour, rien de ouf non plus. Hein. C'est pas, on n'a pas tout changé quoi. Mise à jour. Non, il y a une petite mise à jour de la règle. Donc voilà, je vous expliquerai ça plus en détail au moment du karaopé tout simplement. Bon, venez nous rejoindre aussi sur le Twitter hein, si vous voulez un petit follow sur le Twitter de l'émission et sur Instagram également, c'est MIKL officiel. Bon, appel mal intentionné et donc générique. Nique ta mère, fils de pute. Le chat de la con de ta mère, la pute. Enculé, enculé. Sabatard, sabatard. Je te nique le troufion, ta grand-mère, la chauve qui fait du jet ski. Voilà, bon, allez, c'est parti, on y va donc. On avait appelé notre ami suisse tout à l'heure, hein. Notre ami suisse, c'est lui. Je vais couper vos couilles, je vais les foutre dans votre sale gueule. Voilà. Allez-y poser la question à votre mère, à votre maman de salaud de merde. On sent qu'il était vénère. Hein. Ah, oui. Votre maman. Tu l'as bien enculé. Voilà. Oh, ma pauvre maman. Tu la mets dans votre anus, des sales. Votre sale anus. Vous voyez encore un ? Mais ta mère, en tout cas, je l'ai baisé tout à l'heure, elle était super bonne. C'est vrai, c'était pas notre ami suisse, mais il était sympa quand même. Bon, donc du coup, faut-il coucher le premier soir ? C'est une question qui a été posée. 44% des Françaises disent oui. 55% des Français disent qu'ils pourraient se laisser faire. Eh ben, ils pourraient. Voilà. Enfin, non, non, non. Ils ont un doute. Non, je lis. Les mecs sont 55% à se laisser faire. Pardon. Ah, pardon. J'ai mal expliqué. Et mea culpa, c'est ma faute. Autant pour moi. Ah, pardon. Bon, ah, pardon, donc Dof, tu vas voir avec tes amis comment ça se passe chez eux. Bah oui, allons-y. Grâce au numéro, comme d'habitude, que vous envoyez sur le mail de Dof, c'est toph@energie.com. toph@energie.com. Envoyez les numéros de téléphone de gens que vous connaissez, qui sont un peu nerveux, amis ou ennemis. On ne donnera jamais le numéro de la personne. Enfin, on ne donnera jamais le nom de la personne qui nous a donné le numéro, rassurez-vous. Donc. Pas de problème. On y va. Je suis prêt. Allez, c'est parti. Allez. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Ouais, c'est qui ? C'est Tof, monsieur. C'est qui, toi ? Ben, c'est moi. Et en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si votre copine couchait le premier soir, monsieur. On va niquer ta mère, fils de pute, moi. Mais pourquoi vous dites ça, monsieur ? Sale chien, va, enfant de salope, va. Enfin, monsieur, ça se dit pas des choses comme ça. Mais tu es qui ? C'est où tu as eu mon numéro, toi ? Moi, je suis Tof, monsieur. Eh ouais, mais c'est où tu as eu mon numéro ? Bah, dans l'annuaire, monsieur, 118-218, tout. Et y a pas, c'est un portable, sale pute, bah, qu'est-ce que tu racontes ? Bah oui, mais maintenant, il y a les portables, monsieur, le monde a évolué. Eh non, y a pas, c'est des conneries, qu'est-ce que tu racontes ? Espèce de flamant rose, fils de pute, va. Vas-y, ferme ta gueule, arrête de m'appeler, baltrin, va. Bah oui, mais enfin, c'est la première fois que je vous appelle. Allô ? Ah oui, non, bah allez, raccrochez, hein, dis donc. Hein, allez, flamant rose. Oui, flamant rose. C'est quand même une très très grosse insulte là quand même. Je crois hein. C'est horrible. Ah, c'est du lourd, lourd, mais alors très très lourd. Bon, on rappelle. Chaque fois cette sonnerie, j'ai l'impression d'appeler à l'autre bout du monde. Qu'est-ce que tu veux encore appeler en privé, sale pute, moi ? Bah parce qu'on a été coupé, monsieur, et du coup, vous m'avez pas dit si votre femme elle couchait le premier soir. Mais quelle coupée ? De quoi tu me parles, espèce de putain, moi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Bah on était au téléphone ensemble et puis ça a coupé, donc du coup, ouais, je vois un peu. Moi j'ai accroché, espèce de trisomique 21, moi. Bah ça se fait pas, monsieur, enfin moi je vous appelle gentiment, monsieur, ça se fait pas de raccrocher au nez comme ça. C'est quoi ta question ? Bah c'est de savoir si votre femme elle couche le premier soir, monsieur. Et ta femme, elle couche le premier soir ou quoi ? Bah moi j'en ai pas monsieur, c'est pour ça que je vous pose la question. Et ta daronne, elle couche le premier soir ? Oh ça fait longtemps qu'elle a arrêté ça monsieur. Ouais, t'es sûr ? Ah de coucher le premier soir, oui je suis sûr. Elle s'appelle comment ta mère ? Elle s'appelle Maryse. Eh ben Maryse, on lui défonce le cul avec de l'huile de mobilette, sale bâtard. Trop d'amour. Paix, amour et amitié hein. Oh là là. Ah oui, bon on rappelle. Mais c'est toxique en plus lui. Ah ouais lui il est bien. Hein. Non lui il est pas mal. On rappelle. Oui, allô ? Encore toi ? Qu'est-ce que tu veux? Bah, je veux savoir si vous avez déjà. Si votre femme, elle couche le premier soir. Mais Marie, elle couche le premier soir. Bah, je vous ai dit que ça faisait longtemps qu'elle avait arrêté. Mais non, ça fait pas longtemps. Bah, si, si je vous le dis. Et je lui mets une théière dans la chatte à Marie. Dans son vagin, dans sa vulve. Oh non, monsieur. Sa fine vulve. Oh non, monsieur, non, dites pas ça, c'est pas gentil. Sur ses lèvres inférieures, cette grosse chiennasse. Oh non, monsieur, dites pas ça, enfin. Ah, la pauvre, ça, elle mouille. Oh non, la pauvre Maryse, monsieur. Oh, tellement elle se fait sauter, on l'appelle trampoline, ta pute de maman. Oh non, monsieur, dites pas ça, c'est pas gentil. Sale putain de ta race, la merde. Mais pourquoi tu m'appelles, en fait? Tu fais quoi? Bah, en fait, je voulais juste savoir si votre femme allait coucher le premier soir, monsieur, c'est tout. Mais pourquoi, moi? Pourquoi? T'as eu mon numéro, là? Bah, 118-218, monsieur, tout. Mais tout, arrête, tout. Qu'est-ce que tu racontes? T'es qui, en fait? Toff, monsieur, je suis Toff. Toff, Christophe? Non, Toff. Bah, si, c'est Christophe, c'est le diminutif, espèce de pute. Arrête de me prendre pour un mongol. Bah, je me permettrai pas, monsieur, enfin, pourquoi vous dites ça? Bah, parce que t'es un mongol, Toff. Toff, qu'est-ce que c'est que ça, Toff? Bah, c'est mon nom, monsieur, enfin. Toff, tes parents, ils t'ont appelé Toff. Voilà, c'est ça. Eh ben, viens, mon pauvre. Bah, quoi, monsieur? Bah, tu as le nom et tu as la personnalité adéquate. T'as vraiment de PD pour une voix de PD. Tu es vraiment un homosexuel de merde, quoi. Oh non, monsieur, dites pas ça, c'est pas gentil. T'es un fils de pute, quoi. Oh non. La chatte à ta mère, quoi. Oh non, non, monsieur, arrêtez avec la chatte à ma mère, monsieur, c'est pas gentil. T'as été accouché par le cul ou quoi, Toff? Bah, non, enfin, monsieur. Pourquoi tu m'appelles? Bah, pour savoir si votre femme est. Où t'as eu mon numéro? Bah, 118-218, monsieur, tout, je voulais dire. Mais non, on peut pas avoir un numéro comme ça sur 218, alors de me prendre pour un triseau, là. Mais je vous prends pas pour un triseau, monsieur, enfin, dites pas ça. Bah, ferme ta gueule, espèce de putain, ouais. Oh non, monsieur, non, écoutez, non. Allez, dis répondez à ma question, monsieur, on n'en parle plus. Mais quelle question? Bah, de savoir si votre femme, elle couche le premier soir ou pas. Je sais pas. Bah, comment ça, vous savez pas, monsieur? Elle a bien. Je sais pas, mais vas-y, fais voir ta femme un peu, que ça te défonce un peu cette putain-là. Mais j'ai pas de femme, moi, monsieur. Je lui bouffe le cul, je lui bouffe l'anus. Oh non, monsieur. Je lui lèche le trou du cul. Oh non. Je lui lèche les veines du cul. Oh non, monsieur, non. Je prends ses varices, je lui arrache ses varices, oh, je la lèche. Oh non, monsieur, non. La totale, les corps, oh, des pieds, je lui bouffe. Non, non, pas. Oh, c'est dégueulasse. L'anus, mais... le côlon, je lui bouffe les tétons, je lui bouffe les amygdales, je lui bouffe. Oh non, pas de ça entre nous, monsieur, enfin. T'as compris, sale bâtard? Bah non, monsieur, je comprends pas. C'est quand, ouais, même très violent, ce que vous dites. Et Maryse, là, elle, oui, est où, Maryse? Bah, elle est à la maison, monsieur. Bah, vas-y, ramène-la, Maryse. Bah, pourquoi faire, monsieur? Bah, pour faire tourner, je t'ai déjà dit. On la défonce avec de l'huile de mobilette, de l'huile d'olive. On lui met tout dans le cul, hein, maman. Oh non, ma pauvre maman, monsieur. Non, je peux pas vous laisser dire si, ça. Si, vas-y, envoie le numéro à Maryse, là. Oh non, monsieur, non. Non. Bon, t'as fini là, tu vas m'appeler toute la soirée ou quoi, toi? Non, mais je vous rappellerai, monsieur, vous avez l'air d'être quelqu'un de sympa. Quoi? Non, je dis je vous rappellerai, mais pas. T'as pas intérêt de m'appeler, fils de putain, va. D'accord, mais ça me fait plaisir, monsieur. Salope. Oh non, monsieur. Ouais. Dites pas ça, monsieur, pas de ça entre nous, enfin. Ferme ta gueule, bâtard, va. Oh non, monsieur, non. Enfant de poubelle. Oui, je suis à Alger, encore monsieur. Encore une fois, ça faisait longtemps. Quoi? Non, je suis né dans une poubelle à Alger. Ah ouais, t'es vraiment un gras, quoi. T'es vraiment une poubelle, quoi. Voilà. Une ordure. Eh ben, très bien, monsieur. Je vous souhaite une bonne soirée. Ouais, bah ouais, très bonne soirée. Me rappelle pas, fils de putain. D'accord, au revoir, monsieur. Ok, au fond de la date. Moi, allez, aussi, je vous aime, monsieur. Au revoir. Oui, ta mère. Oh putain, on va pas rappeler dimanche parce que c'est trop tôt. Oui, peut-être, oui, la semaine prochaine, s'il redécroche à un moment ou à un autre. Mais il était charmant, hein. Un poil dangereux, un poil cannibale quand même. Adorable. Oui, mais bon, vite fait. Amina, tu es toi qui cherches un homme. Beau, grand, fort, mais intelligent, oui, regarde là. L'amour était là, mais au bout de la théière. Mais oui, il est là pour toi. Oui, oui, qui va arracher, allez, les varices des gens. Mais oui, en plus, génial. Il y a Antolastico qui dit violence puissance 1000 dans les appels avec le fameux sale chien enfant de salope. On embrasse Maryse, évidemment, bah, forcément. Cyril qui dit mort de rire, tellement elle se fait sauter, on l'appelle trampoline. Quelle violence. Espèce de flamant rose, Christophe le boulanger qui a envoyé ça. Ah ouais, ça ouais. Et l'huile de mobilette à classique, c'est Alan. Bah oui, oui. Il nous avait déjà sorti l'huile de mobilette. Pourtant, c'était rare, hein. Il faut y penser, quoi, l'huile, bah, de, oui, mobilette, oui, quand même. C'est il fallait y penser. Bon, on écoute Alonso. On va revenir avec Romain, avec Florian, Jérémy, Mathieu dans quelques minutes. On va également jouer au karaopé. Si vous voulez jouer avec nous au karaopé. Ah bah ouais. Karaopé à suivre donc dans quelques minutes. Si vous voulez vous inscrire, si vous voulez jouer avec nous, eh ben n'hésitez pas dès maintenant 01 40 71 5000 ou par SMS Mickaël et votre message au 6 11 12. Et en plus, si je ne m'abuse, je pense qu'il reste un gros cadeau à filer dans le Karaopé.

facile. Simple. Mais oui, voilà, facile. Avec quelques petites nouveautés au niveau des règles, mais c'est évidemment censé, non, c'est censé rendre le jeu plus simple, parce que c'est vrai que la règle avant était quand même relativement longue à expliquer. Donc là, normalement, maintenant, ce sera plus pratique, quoi. Voilà. Donc si vous avez envie de vous inscrire maintenant, Mickaël espace karaoupé avec PET, hein, comme karaoké mais avec un P à la fin, PET, et votre numéro de téléphone, vous envoyez ça au 612 et on joue dans un petit quart d'heure. On va récupérer qui est là depuis le plus longtemps, c'est Romain. Romain avec nous à Vesoul. Salut Romain. Salut. Comment tu vas? Désolé pour l'attente, hein, y a eu un petit peu de monde là. Ouais, c'est pas grave, on s'est fendu la gueule. Bon, bah écoute, c'est le principal. Bah, quand Toff se fait insulter, en général, c'est toujours bon. Hein. Tu vois, c'est toujours bien, ça passe toujours crème. Bon alors, Romain, raconte-nous, on parlait de comptes piratés, puisque Yahoo, il y a eu 500 millions de comptes Yahoo qui ont été piratés, donc méfiez-vous si vous avez un compte Yahoo ou Ymail, sachez que, il vaut mieux changer votre mot de passe, quoi. On sait jamais. En tout cas, ça peut se finir chez les flics, hein, si. C'est évident. Voilà, c'est ça. On est au-delà des flics, là. C'est le FBI direct. Mais carrément, la NSA, tout le monde. Bon, alors, Romain, t'as déjà été piraté, toi, ou t'as déjà piraté, je sais pas? Moi, j'ai été piraté. Ouais. Alors, moi, c'est mon téléphone qui a été piraté par mon ex. Par ton ex? Par mon ex. Elle m'a cassé la tête pendant 4 ans. Après, on s'est séparés. Puis 4 ans après, elle a continué à me faire chier, en fait. Non, mais comment tu. Qu'est-ce que t'appelles piraté? Parce que les gens ont le mot piraté pour tout et n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, moi, elle recevait tous les SMS que je recevais ou que j'envoyais, elle les recevait aussi. Ah bon? Ah oui, elle l'a bien piraté, ouais. Ah oui, pas mal. Les appels, pareil. Les photos, enfin, tout ce que je faisais avec mon téléphone, elle le recevait tout. Ouais, mais ça, tu le fais pas, c'est pas. Tu vois, il faut installer un truc dans les téléphones pour arriver à faire ça. Ben, je sais pas du tout comment elle a fait. Ah ouais, c'est quoi que t'as comme téléphone? C'est Android ou iPhone? C'est Android. Android, ouais, alors là, c'est une passoire, Android. Hein. Non, mais c'est vrai, non, mais. Après, c'est pas une question, on a un iPhone ou Samsung, ou enfin bref, ou il y a Android. Mais c'est vrai que chez Apple, par exemple, toutes les applications sont survérifiées 100 000 fois, donc il peut y avoir des failles, mais globalement, normalement, ça va. Chez Android, le problème, c'est que tout le monde met ce qu'il veut, n'importe comment, n'importe quoi, et que du coup, on se retrouve avec plein d'applications qui sont pas forcément, qui te protègent pas spécialement, la preuve là, tu vois. Donc effectivement, parfois, t'installes une application, tu configures le truc, tu caches après l'application, toi, tu crois qu'il y a pas d'application dessus, sauf qu'en fait, toutes tes données sont envoyées un peu partout. Bah, la preuve là, hein, Romain. Il y a des puces aussi. Ouais, il y a des puces aussi, ouais, c'est vrai. Ouais. Et du coup, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, au final, j'ai jamais pu faire quoi que ce soit contre, et du coup, j'ai changé tout simplement de téléphone et puis de numéro, quoi. Ouais, c'est pas mal aussi. Hein. C'est vrai que parfois, faut c'est pas chercher solution, trop loin, ouais, non plus. Après, c'est dommage pour le téléphone, parce que j'imagine que c'était pas un téléphone qui coûtait 5€, quoi. Ah, c'était le Galaxy S2 à l'époque. Ah, oui. Enfin, oui, à l'époque, à l'époque, il valait cher, hein, tu me diras, comme les autres, quoi. Ouais, cher, et puis il était bien pratique. Mais du coup, elle t'a fait quelque chose avec tous les SMS qu'elle a reçus en double, ou c'était juste comme ça pour le plaisir? En fait, elle pouvait me géolocaliser aussi en même temps. Donc, Mais d'accord, est-ce quoi. Non, mais est-ce vraiment utile, tu vois, parce que elle a piraté, elle lisait tes SMS et elle pouvait te géolocaliser, mais était-ce vraiment utile? Utile, dans un sens oui et non, parce que je fréquentais des personnes à l'époque qui fumaient un peu de cannabis. Ouais. Et elle s'en servait pour par rapport aux gosses, comme faire du chantage, Il y a un moment donné, si elle géolocalise, etc., c'est qu'elle a installé quelque chose dans ton téléphone. Ça t'est pas venu à l'idée de le vérifier ou de le changer? Ou de formater, oui. Ou tu vois, de remettre à zéro. J'ai essayé de le reformater, mais ça m'a rien changé. Ah bon? Non. C'est bizarre. Bon, après, moi, je m'y connais pas spécialement là-dedans, mais oui, peut-être que j'imagine qu'il y a des programmes qui font que. Bon, ça se voit, hein, sinon. Sinon, t'auras réussi, hein, tu me diras. Elle avait une coloc qui était la sœur de mon meilleur pote, et puis mon meilleur pote me disait, sa sœur, en fait, je faisais tous les rapports, parce qu'elle voyait tout, en fait. Ah ouais, d'accord, ok. Putain. Attends deux secondes, il y a aussi Florian qui est avec nous. Salut Flo, HL. Salut Flo. Ouais, allô. Ah, salut, comment tu vas? Ouais, ça va bien. Bah oui, ça va bien, ouais. Bon alors, raconte un petit peu, toi aussi, t'as déjà été piraté ou tu as piraté? Principalement Winamax, en fait, je sais pas si vous voyez le truc de poker. Ouais. Et le délire, ouais, c'est que, en fait, c'est que je joue au poker et je sais pas si vous voyez le logiciel. Non, j'ai jamais joué Winamax. Non, ouais, mais c'est ou même PokerStars, c'est le même principe au final. D'accord. Et le délire, c'est t'ouvres une fenêtre et hop là, tu joues au poker. Et au bout d'un moment, ça s'est déconnecté. Et je reconnectais derrière et ça se redéconnectait et ainsi de suite et au fur et à mesure que je me reconnectais que ça se reconnectait ouais, ouais. Mon crédit disparaissait. Ouais, c'est une galère à dire, mais bref. Non, il y a une autre table qui s'ouvrait, une table à 100 euros qui s'ouvrait. J'avais 300 euros sur mon compte. Je me dis, waouh, ouais, c'est quoi le délire et tout, truc de ouf, et hop là. Ce qui fait que je me suis précipité pour encaisser l'argent qui restait sur mon compte. En fait, il y avait quelqu'un qui avait mon code et mon mot de passe et tout. Et mon pseudo. Et je sais pas, ouais, il arrivait à se connecter. Et après, moi, je faisais le forcing pour pas qu'il. Pour se connecter, parce que quand je me connectais, lui il était déconnecté. Mais et du coup, on t'a pompé de l'oseille ou c'est quoi l'histoire? Il m'a fait perdre 120 euros, un délire comme ça. Ah ouais? C'est il y a 4-5 ans, tu vois. Ça m'a rendu ouf, mais bon, nique sa mère quoi. Bah ouais, surtout qu'après tu peux pas le retrouver, mais. Bah en fait, je peux pas, ça, je m'en rappelle plus, c'était il y a longtemps, mais si tu vas sur internet, il y a mes statistiques qui sont affichées. Sur un site qui s'appelle Sharkscope. Ouais. Et tu peux voir les stats et tu peux voir la barre descendante du mec qui m'a piraté. Tu vois. Mais après, j'ai arrêté le site, j'ai arrêté Winamax. Ouais, c'est peut-être mieux. Hein. Parce que de toute façon, quand on joue à des trucs de poker comme ça, des paris, c'est la banque gagne toujours. Hein. Non, c'est pas ça, rien à voir. Le poker, c'est pas une question de banque. Je dis le poker ou les paris globalement. Tout ça, bon, c'est rare qu'on fasse fortune avec ça, tu vois. Ouais, si, il y a des gens qui. Non, mais il y en a, bien sûr. Il y a des gens qui gagnent l'auto aussi. C'est comme le loto, mais ça reste quand même relativement rare, quoi, tu vois. Ouais, non, mais le poker, c'est différent. Tu joues contre d'autres joueurs. Tandis que les autres jeux, tu joues contre la banque, par exemple. Tu peux jouer contre l'ordinateur, ouais, c'est vrai. Voilà. Oui, après, tu peux jouer, effectivement, ouais, c'est vrai. Au poker, tu joues contre d'autres joueurs, c'est différent. Ouais. Mais puis voilà, quoi. Mais sinon, je me suis déjà fait aussi, je sais pas, prendre. 300 euros sur mon compte bancaire. Un jour, hop là, je vais à la banque, hop là, je mets la carte bleue dans le distributeur et je mets afficher l'historique et je vois deux fois moins 150 euros avec, je me rappelle plus du blaze, du truc là. Mais je me dis, mais ça, c'est pas moi. Moi, j'ai jamais fait ça de la vie. Et après, je vois, mais au final, ils m'ont remboursé les 300 euros. Mais je me dis, mais. Ah, t'as de la chance, hein. Voilà. Parce que parfois ils te mettent des lecteurs de puces et du coup toi tu passes ta carte dans le distributeur, ils ont lu ta carte pendant que toi tu rentres ta carte dans le distributeur, elle est lue, tu fais ton truc, ton petite opération, tu retires un peu 20 balles ou enfin tu retires de l'argent et quand tu ressors ta carte, ils la relisent encore une fois pour être sûr et puis après toi tu te barres. Bon bah t'as tes 20 balles en poche, sauf que derrière ils se font plaisir. Ouais, il y a plusieurs délires de piratage de cartes bancaires. Ah oui, c'est clair. Mais le délire du poker de Winamax, je ne comprends pas qui a fait ça, comment il a trouvé. J'avoue, je ne sais pas. Je comprends pas le système, comment il a pu faire ça, quoi. Aucune idée. Mais t'inquiète pas, que son but, c'est pas que tu le saches. Hein. Bah ouais. Il veut pas partager avec toi. Ah non, surtout pas, alors, ça c'est mais, clair. Mais j'avais envoyé des mails à Winamax, je leur ai dit tatati, tatata, nanana, je leur avais expliqué l'histoire, là. Et ils m'ont dit, bah ouais, vous êtes fait pirater. Et je leur dis, ouais, il n'y a pas de remboursement. Ils me disent, non, il n'y a pas de remboursement. Ah bah non, tu l'as dans ton cul, monsieur. Voilà, c'est ça. Et bon, bah merci, au revoir. Comment qu'il a fait, le monsieur? Aucune idée. Bon, écoute, mais ça, c'est souvent les trucs de phishing. Hein. Il t'envoie un mail, connectez-vous pour mettre à jour une info à la con. Ouais, c'est ça. Et toi, comme un gogol, tu cliques, tu veux remplir le truc. Ouais, et au final, tu te rends compte, c'est un site bidon, quoi. Non, mais parfois, tu ne sais pas. Parfois tu le sais pas, tu te fais baiser alors que tu peux faire super attention et puis bon bah parfois voilà. C'est pour ça moi quand je le fais, quand je reçois des mails comme ça, je rentre toujours un truc bidon au départ et parce que quand c'est des faux sites, ça dit ah merci beaucoup, nous avons pris en compte. Et donc forcément tu sais que c'est pas le bon site, quoi. Ouais. Il est malin. Faites-le quand vous recevez un mail, tu cliques et que tu remplis d'abord une fois un truc bidon et tu vois ce qui se passe derrière. Mais moi je remplis jamais rien. Ouais, moi, c'est ça. Je vais jamais nulle part, je vais même pas sur Facebook, je vais nulle part. Moi je suis le mec il est complètement fermé. Mais par contre il va sur Winamax. Hein. Ah ouais sur Winamax, ouais. Bon bah merci en tout cas Florian d'avoir appelé. Ouais, vas-y, t'inquiète, y'a pas de problème. Et tu rappelles quand tu veux. Merci Romain également, toi aussi tu reviens quand tu veux évidemment. pas de souci, l'équipe. Salut Romain, ciao à toi. On va prendre Laurent aussi dans un instant, qui a déjà eu une arnaque. Mathieu aussi, qui s'est fait pirater. Et on va jouer aussi au karaopé. Le karaopé, ça va arriver dans quelques minutes sur Énergie avec la Xbox One S à gagner. Et puis on va surtout savoir qui va jouer. Je sais qu'Amina, elle est un peu stressée parce qu'elle voudrait jouer, mais en même temps, elle est sur une victoire d'affilée la semaine dernière. Elle a gagné. Hein. C'est vrai. Elle a gagné la semaine dernière. Elle nous a fait une fête. Elle en parle encore dans les bureaux. Tout le monde s'en souvient. Ah, ça, c'est sûr. T'en as tellement parlé qu'on peut pas faire autrement. Donc on va s'écouter Charlie Puth avec Selena Gomez. On revient juste après. C'est Mickaël sur Énergie. Passez une bonne nuit. Et en plus, on est au cœur de la nuit sans pub. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking. You've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Sur Énergie, allez, Shakira arrive. Reste avec nous, ça se passe ici. Mickaël sur Énergie, tous les soirs de minuit à 4h. Et il y a la bicyclette à Shakira qui va arriver. Et il y aura Shawn Mendes aussi. Il y aura Sopra aussi, bien sûr. Il y aura Jonas Blue. Et il y aura vous en direct. Mais sachez que c'est des applis particulièrement redoutables et pas besoin d'aller sur le portable de la victime, donc indétectables. Et en plus, elles sont payantes. Ah ben tu vois, finalement, ça n'est pas, tiens, par rapport au piratage. Et Nelson qui dit il existe des logiciels invisibles à installer sur des smartphones pour voir tout ce qui s'y passe, genre M-Spy, Flexi-Spy, etc., etc. Et ben dis donc, et Karma Anonyme qui dit elle lui a certainement mis Spy Bubble, son ex. C'est une application cachée, ça s'enlève et ça marche sur iPhone aussi. Eh ben, tu vois, finalement, je savais pas comme quoi je me coucherais moins con ce soir. On va se faire le karaopé dans quelques secondes. Avant ça, on va d'abord terminer avec Laurent qui est avec nous à propos des arnaques. Et petite surprise aussi, parce qu'il y en a qui me disaient, ouais, il y en a encore un tout à l'heure sur Facebook. Il me dit, vous avez pas de nouvelles de Dame Dame? Bah non, on a plus de nouvelles de Dame Dame pour l'instant. Ah oui, je sais pas ce qu'il fout, il est chiant. Je sais pas où il est. Il est occupé. Ouais, il m'a dit qu'il est débordé en ce voilà. moment. Et donc, du coup, on avait fait l'année dernière un mariage entre, enfin, mariage, façon de parler, mais entre Dame Dame et un certain qu'Amina ne connaît pas. Reste tranquille. Non, je connais pas. Ah bah tu vas voir, tu vas pas te déçu du voyage. Hein. J'ai hâte. Alors, en fait, c'est un mec que Toff appelait dans les appels mal intentionnés qui arrête pas de dire écoute, reste tranquille, il voulait le tuer, il voulait le frapper. Et en fait, ben du coup, on avait fait un espèce de mix entre Dame Dame et Reste Tranquille. Donc Dame Dame qui bah, appelait comme Toff, on avait 2000 numéros de téléphone de Reste Tranquille et il avait appelé Reste Tranquille. D'accord. Le mec, on ne sait pas comment il s'appelle, on l'a surnommé Reste Tranquille parce qu'il disait Reste Tranquille non-stop. Donc du coup, je propose, on va le remettre dans quelques minutes comme ça, bah, pour tous les nouveaux, parce qu'il y en a plein des nouveaux qui n'étaient pas là l'année dernière, qui ne connaissent pas justement ce mix entre Dame Dame, Damien Canularis donc, et Reste Tranquille. Donc restez bien là, ce sera la petite surprise de la nuit. Bon, Laurent est avec nous, 33 ans, t'es là Laurent? Salut Mickaël. Bon, salut à toi. Alors, Lo, ouais. Bah oui, ça va bien et toi? Ouais, bah ouais, je suis en bagnole, tout va bien. Eh bah écoute, tant mieux. T'as quoi comme voiture? Ouais. Une Infiniti, je sais pas si tu connais. Ah oui, c'est les. Comment on appelle ça? C'est quoi la marque encore? Toyota. Bah c'est ça, Infiniti. Renault-Nissan, ouais. Renault-Nissan. Infiniti, oui, c'est la marque. Les Q50, ouais, la Q50, exact. Ouais. C'est ça. Bon alors, Laurent, raconte-moi un petit peu au niveau des arnaques. Bon, en fait, ça va être un petit peu simple à faire. C'est que j'ai reçu un mail il y a à peu près 2 ans de ça, me disant que je pouvais travailler à la maison. Et pour faire des traitements de devis pour des ordinateurs portables. Et en fait, bah, j'ai été contacté par mail, j'ai répondu. Et en fait, il s'avérait que c'était une grosse, grosse, grosse connerie. Mais comment ça, faire des traitements à la maison, c'est-à-dire? Ouais, bah, en fait, c'est pour faire des traitements de devis pour des particuliers. Ouais. Et donc, chose que je faisais sur mon ordinateur chez moi, à la maison, tranquillement. D'accord. Et au bout de 3 semaines, ils m'ont demandé de payer une facture à leur nom de 3000 euros. Oh. Ah, sympa. Ouais, carrément, ouais. Et en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont demandé, ils m'ont fait un virement de 3000 balles sur mon compte. Ouais. Donc, je leur ai dit non, moi, je peux pas tirer une telle somme comme ça, c'est impossible. Elle m'a dit si, il faut appeler votre banque, savoir si c'est possible. Donc, chose que j'ai fait, j'ai appelé ma banque. Et ma banque m'a rappelé dans l'après-midi en disant c'est une arnaque, faut les gendarmeries porter plainte. Ah la vache. Et donc, du coup, ouais. tu as eu l'enfion ou t'as récupéré? J'ai pas récupéré parce qu'en fait, c'était les 3000 euros de quelqu'un d'autre. Ils ont déjà escroqué auparavant. Ah oui, d'accord, donc forcément ils peuvent pas te les rendre. Bah en fait ils ont retrouvé personne quoi. Ça a dû se passer certainement en Afrique ou quelque part par là-bas. Ouais. Et impossible de retrouver d'où ça venait. Ah, faut y aller. Putain. Bah faut ouais, y aller. Elle serait partie direct, hein, elle aurait pris le billet, elle aurait été tout ratissé là-bas pour retrouver son argent. Mais non, mais c'est impossible une fois que ça part. Après, c'est compliqué, franchement, c'est compliqué. Donc, déjà, quand tu te fais arnaquer, quand t'es en France ou même en Europe, c'est déjà quasiment mission impossible de récupérer. Alors t'imagines sur un autre continent, laisse tomber, c'est mort. Ah, mais c'est impossible. Alors ils m'ont demandé de faire un virement, donc de récupérer les 3000 euros, de faire un virement sur Western Union. Ah bah oui. Ouais, la bonne idée. Bah, bien sûr, évidemment, quelle bonne idée. Tiens, tu l'as fait, toi. Ah oui. C'est... Donc, du coup, bah, les 3000 euros, ma banque les a bloqués pour les reverser à la personne d'où était destinée, enfin, d'origine. La personne d'origine. Donc, du coup, en fait, c'est toi qui as remboursé la personne d'origine. Donc, lui a récupéré son oseille et toi, tu t'es fait enculer. Quelle quoi. Gentillesse. Ah ouais, franchement, ah, bonne banque. À fond. Ouais, une grosse banane dans le cul et en fait, j'ai perdu du temps, bêtement. J'ai perdu de l'argent sans en perdre, quoi. Hey, il y a un truc, quand quelqu'un te propose d'avoir quelque chose gratos ou un cadeau ou de l'argent, ils veulent te faire gagner, c'est une escroquerie. Ou surtout quand quand t'es sur eBay ou sur des sites, genre Boncoin, tout ça, quand un truc n'est pas assez cher, c'est une arnaque. Je veux dire, je prends l'exemple de l'iPhone. Un mec ne va pas vendre un iPhone genre le 6S 150 euros, sachant pertinemment qu'il vaut pas moins de 400 euros. Le plus débile du monde ne va pas vendre un téléphone 150 balles alors qu'il en vaut beaucoup plus et qu'il pourrait se faire plus d'argent facilement. Ouais, même s'il dit ouais, mais c'est parce que c'est celui de ma boîte, c'est un cadeau, alors du coup je le revends parce que j'en ai déjà un. Bah oui, mec, ok, c'est possible. Mais tu vas le revendre plus cher. Mais 400 balles, c'est 400 balles. Tu vas le revendre le plus cher possible, forcément. Ouais. Donc voilà, quand c'est pas assez cher, il y a un moment, tu vois, tu peux gagner 50 balles, 100 balles parce que c'est un peu moins cher qu'ailleurs ou voilà. Mais il y a un moment. C'est comme les mecs qui te vendent des bouquins, comment faire fortune à la bourse et tout, bah fais-le. Voilà. Tu sais le faire. Voilà. Mais il a réussi à comprendre comment faire fortune, mais il te vend des bouquins, lui. C'est ça. Il y en a plein de trucs comme ça. Voilà. Gagne 1 million en restant chez toi. Ouais, c'est ça. Bah, lui, il a gagné 1 million en restant chez lui, pour le coup. Ouais, c'est vrai. Ça marche. C'est vrai. Mais t'avais un mec qui faisait ça. Il disait, ouais, envoie-moi 30 euros ou je sais plus quoi, et je t'explique comment gagner de l'argent facilement, etc. Ouais. Et donc, en fait. J'ai déjà reçu des mails comme ça. L'argent pénis. Ah ouais. Et donc, non, mais lui, par contre, pour le coup, il t'envoyait un truc en disant, bah, c'est très simple, tu fais comme moi, tu dis aux gens que si tu m'envoies 30 balles, je leur explique comment je gagne de l'argent. Voilà. Mais c'est honnête. Oui, lui, c'était honnête. Parce qu'au final, t'as payé pour un service qu'il t'a rendu. Bon, après, fais ce que tu veux, mais. Voilà. Mais après, libre à toi de faire la même chose. Hein. Et franchement, quand tu vois le nombre de gens assez crédules, ou bêtes, en fait, hein, parce qu'il y a des gens qui cherchent pas pour le bout de leur nez, quand tu vois les faux comptes qu'il y a à mon nom, au nom de la radio, au nom de Koé, au nom de plein de stars. Surtout que, ouais, j'en ai déjà reçu à ton nom. Mais oui, mais je sais, mais il y en a plein, et j'ai beau essayer de les faire fermer, t'en fermes un, il y en a trois qui arrivent. Donc c'est compliqué, quoi, mais bon. C'est clair. Et donc du coup, tu sais, il y a un moment quand t'as des gens avec des fautes d'orthographe partout, ils disent oui, voilà, j'offre 80 iPhones aux plus fidèles, mais il faut que t'appelles un 0899, mais rassure-toi, mais c'est l'exemple, je dis. Et même si et le mec te dit ouais, au début tu vas voir, ça va te dire que c'est payant, mais t'inquiète pas, c'est gratuit, énergie a déjà payé. Et évidemment, c'est faux. Donc c'est à dire que si vous tombez dans ce panneau là franchement, parce que après, il y en a, j'ai de la peine, mais ils disent ouais, j'ai perdu 300 euros, mais t'as envie de dire, écoute, mais putain, mais t'es pas assez, ou t'as pas ouvert les yeux. Il y a un moment, c'est flag quand même que c'est de l'arnaque. Et puis là, ils arrivent, ils m'insultent, hein, ils sont persuadés que c'est moi qui ai pas autre chose à foutre que d'essayer de gratter un euro par-ci, un euro par-là. Il y a un moment, ça va, quoi. Donc, surtout que tu sais, quand j'ai reçu ce mail, j'ai quand même mis à peu près 15 jours avant de me décider. Hein. De quoi? Ah oui, par rapport au mail. Ouais. Bah, c'est une proposition alléchante, on va dire. C'est vrai que chez toi, tu travailles chez ton domicile, t'as rien à foutre, quoi. Mais on a rien sans rien. Il y a un moment. Voilà. Tu peux c'est gagner quelques que heures ou un peu d'argent, mais il y a un moment où tu peux pas. À part le loto, hein, mais bon, faut gagner, quoi. Bah, le loto, déjà, bon, on dépense de l'argent. Donc, déjà, on dépense pour essayer d'en gagner. C'est clair. Mais l'autre qui m'a contacté, c'est du jour au lendemain, j'ai eu plus du tout de nouvelles. Bah bien sûr, bah ça c'est sûr, hein, t'inquiète pas, hein, c'est voilà, comme ça. Donc c'est passé, ils m'ont bien enculé, quoi, directement. Ah oui, là tu t'es bien fait enculer, je pense. Ouais, et à sec avec du gravier, hein. Ça c'est clair. Ouais, avec du divers pilo au passage. Voilà, et c'est ça, avec des orties. Ouais. C'est pour ça qu'au bout de 2 ans, j'ai encore un petit peu mal, encore derrière, ça me chatouille de temps en temps, j'y repense. Bah ouais, tu m'étonnes, 3000 balles. La vache. Bah, c'est énorme, hein. C'est énorme. Surtout que c'est, ouais. Quand je vois ça, j'étais en panique totale. Je sais plus quoi faire. Du coup, c'est le meilleur conseil, c'est surtout, faut faire attention à tout ça. Ouais, même les faux mails en disant, voilà. Les mails que je reçois qui sont un peu bidons, je les supprime et je les fourne en délire. Et tu sais, je vais dire un truc, tu remarqueras juste un truc. Quand quelqu'un est honnête avec toi, les mecs, en règle générale, ils te font pas confiance. Ouais. Mais dès qu'il y a un mec malhonnête, les gens leur font. Je ne sais pas pourquoi. C'est ça. Oui, c'est vrai, Polo. Ouais, c'est vrai. J'ai toujours raison. Ah oui, t'en pas dire, c'est vrai. Polo, c'est le maître, Polo. Merci, jeune fille. Qu'est-ce qu'il faut pour entendre? Bon, allez, merci Laurent d'avoir appelé. En tout cas, tu nous rappelles quand tu veux. Ça marche, merci, Miguel. Salut à toi, bye bye, Laurent, et bonne nuit. En tout cas, on va se faire le karaopé dans quelques minutes. Karaopé avec Thomas et. Non, pas du tout. Avec Guillaume, pardon. Salut, Guillaume. Salut, Guillaume et Jérémy dans un instant pour le karaopé. Non, Guillaume et Jérémy dans un instant. Bougez pas là, les gars, on se met le son de Shakira, je vous reprends après, d'accord? Ça marche. Bon, parfait. Marche. Xbox One S a gagné. Vous avez déjà choisi avec qui vous allez jouer? Dites pas, hein, juste pour savoir si vous avez déjà choisi. Ouais, oui. Et parfait. On fait ça juste après le son de Shakira sur RG. Bonne nuit. Pasado. No voy a perder. Yo no quiero ser un tipo de otro lado. A tu manera es complicado. En una bici que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe, que te quiero tanto. Por ti, latiendo por ti. complicado en una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Aquí yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Lleva, llévame tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame tu bicicleta. Que se te que algún día le muestras en Tayrona, después no querrás ir pa' Barcelona. Lleva, llévame tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que sea mi pique, tú le muestras en Tayrona, después no querrás. Salut tout le monde, c'est Mickaël sur Énergie, 2h15, on va sur le caropé. Mickaël sur Énergie. Ce sont des sensations, des goûts, des couleurs. Mickaël. Intense et suave. De la passion et de la force. Œuf et son saveur. Des miettes de cerveau, des trous du périnée. Polo, de la dureté, de la noirceur. C'est dégueu et un peu salé. Amina, c'est quelques grains de semoule et de la douceur dans ce monde de brut. Mickaël sur Énergie, de minuit à 4h. Tous les goûts sont dans la nature. Et on va jouer au karaopé. Karaopé donc, comme je l'ai dit, avec Guillaume, avec Jerem, toujours là les gars. Ouais, ouais, je suis toujours là. Parfait, alors Guillaume, bon, t'es sur la ligne 2 et Jerem est sur la ligne 8. Donc du coup, Guillaume, c'est toi qui démarres hein. Enfin, c'est toi qui démarres, c'est toi qui peux choisir contre qui tu veux jouer. Avec qui, pardon, tu veux jouer. Tu peux choisir Toff, Amina ou Polo, Guillaume. Ah bon, on va faire plaisir à Amina. Ah, excellent choix. Voilà. Alors je peux raconter un petit truc qui vient de se passer hors antenne. Qu'est-ce qu'il y a ? Et bah t'as Amina qui a regardé Polo droit dans les yeux et qui lui a fait je vais démonter. Ah ouais, genre les westerns, genre les westerns. Et il arrive, il m'a retourné mon téléphone. Genre je vais tricher, tu sais. Ah ouais. Bon Guillaume, t'as choisi Amina. Jérém, tu veux jouer contre qui ? Tu veux jouer avec qui, Polo, évidemment. Avec Polo évidemment. Avec Polo évidemment. Allez, c'est parti. C'était donc mieux Toff hein. Ah oui mais bon, il ouais, bon, y avait pas de revanche. La règle du jeu qui a été un petit peu modifiée à l'époque, jusqu'à la semaine dernière, au premier passage du son, vous n'aviez pas le droit à Amina, Polo et Nitov d'ailleurs de d'aider, etc. Eh bien on va arrêter ça. On va arrêter ça. Dorénavant vous allez pouvoir jouer dès le début. Très bien. Mais attention, car il y a un mais forcément. Bah oui. Évidemment. Rien n'est jamais gratuit. On la vient de règle, le dire. La règle est toujours la même. Si Guillaume ou Jérémy, si les auditeurs ne trouvent pas au moins une réponse par eux-mêmes, bah du coup c'est perdu. C'est perdu. Oui, bah oui. D'accord. Ce qui veut dire que, comme je connais les deux là, surtout Amina, qui vont vouloir absolument gagner, bah forcément vous allez jouer, vous allez aider Guillaume et Jérémy, oui, oui. Mais en même temps en les foutant dans la merde. Rien à foutre. T'inquiète, je vais t'aider. Bon, en plus de ça, on va faire. C'est un thème spécifique. C'est un thème boys band. Ah ouais. Mais attention, de tout style et de tout âge. Toute époque. De toute époque. Ok. Ok. Bon, c'est un peu court. Hein. C'est au Moyen Âge, il y avait pas de boys band, Amina. Bah, je sais pas moi les trois. Les ménestrels ne jouaient pas. Non, enfin, je veux dire, voilà, les c'est dans les. Et tout, c'est pas forcément les boys band des années 90, quoi. Voilà, il okay. Y en a d'autres aussi. Hein. Bon, quand je dis boys band, c'est groupe, voilà. C'est quoi, c'est groupe de mal, quoi. Guillaume, attention. Connais-toi. Guillaume et Jérémy. Guillaume, t'as décidé de jouer avec Amina. Jérémy, t'as décidé de jouer avec Polo. Toff, tu mets un billet sur qui ? Polo. Non, sur Polo. Pas de billet, mais rien de billet du tout. Sur Polo. Je peux mettre une pièce si tu veux. Allez, on y va. Attention, soyez bons. Guillaume et Jérémy, comme vous êtes deux mecs, bah, si vous avez la bonne réponse, donnez votre prénom d'abord, hein, d'accord ? Ça marche. Allez, c'est parti, on y va. Go. Polo. J'ai dit Polo avant. Polo. J'ai dit Polo. Ouais, to be free. To be free, bonne réponse. C'est une blague de quoi ? Punaise ! C'est bon, j'arrête, j'ai gagné. Allez, ça fait un point, mais rien n'est fait. Hein. Un point pour Polo et pour Jérémy. Donc, je rappelle que celui qui a le plus de points repart avec la Xbox One oui, S. Et comme moi, j'aime les auditeurs, j'ai voulu laisser sa chance à Guillaume. Mais oui, c'est ça. Et donc, je rappelle également. Alors ça, c'est le plus grand mytho de la journée. Je rappelle encore une fois, Guillaume et Jérémy, que si vous ne trouvez pas au moins une réponse par vous-même, vous ne gagnerez pas la Xbox One S, que ce soit clair. Deuxième extrait, ouais. Un point pour Polo, donc je le répète. Je l'avais. Mais oui, mais pas assez. C'est parti. La gueule d'Amina, elle a quand même la main sur les yeux. Hein. Polo Polo YMCA réponse. Ça va pas ou quoi de parler comme ça, à crier là. Elle est vénère. Elle est vénère. La grosse moustache. C'est les village people. Hein. Les village people, people, ouais. YMC, c'est bon. YMC. C'est la même chose, mais. Les YMC. Je voulais pas qu'on bosse. Je voulais pas qu'on bosse. Une fin de soirée, tu sais. Et tu t'y connais en fin de soirée. Ah ouais, ça c'est clair. Bon, Jérémy, tout se passe bien pour toi pour l'instant. Tu gagnes, même si t'as pas trouvé encore. Donc bon, il faut trouver. Hein. Ah bah, mind-toi alors, mec. Bon, Jérémy, 2 points avec Polo, 0 pour Guillaume et Amina. Attention, Guillaume, t'as pas honte ? Attention. Dépêche-toi. L'extrait suivant vaut 1000 points. Allez. Écoutez bien. Amina, Ayash. Jérémy, non. Qui c'est, qui a répondu là? Jérémy, Queen. Queen. Ouais, très beau boys, ouais. Boy, Queen. Non, mais vous êtes sérieux ou quoi? Non, mais attendez, vous êtes sérieux? Vous pouvez jouer aussi, Mickaël, et votre message aussi, 112 par SMS, hein, si vous voulez. Je vous le remets. Putain, celui-là, je pensais que vous alliez trouver direct. Polo. L'espace girl. Mais c'est pas Boys Band par contre. Bah, c'est ouais, Girls Band. C'est un grave. Non, mais déjà, c'est abusé. C'est un band trave. Tu diras ça à David Beckham. Mais c'était des traves. L'autre, avant de se faire opérer, la meuf Beckham, c'était un travelot. Hein, oh, avec un gros pif dégueulasse. Mais sérieux, anorexique au deuxième degré. Bon, 1002 points pour Polo et Jérémy. 0 pour Guillaume et Amina. Forcément, avec des fausses consignes. Bon, des fausses consignes. Il t'avantage en plus pour une fois. En plus. Pour bon, une fois, merci. Attention. On devrait lui enlever 2 points. Ouais, bah, on va le comité du jury, pardon. Il est là, le comité du jury. Bon, attention. Là. Jérémy, Guillaume, toujours la Xbox One S à gagner. Pour l'instant, vous repartez avec que dalle. Hein, elle est Guillaume. Autant dire les choses, hein, puisque vous n'avez pas trouvé de bonne réponse. Il en reste 2. L'extrait suivant vaut 100 000 points. Écoutez bien. Tout bébé. Non. Faut pas mettre deux fois, Mia. Eh ouais. Putain, n'est pas la bonne réponse. Polo. Polo. Backstreet Boys. Non. Link Up. Non. Link Up. Qu'est-ce que c'est cette merde? LinkedIn. Guillaume. Guillaume. Les L5. Ah non. Si vous êtes tous d'accord, je peux vous donner un indice. Vas-y. Polo, Words Apart. Non. Si vous êtes tous d'accord, je n'ai pas dit si Amina est d'accord, je dis si vous êtes tous d'accord. Ouais. Non, moi je suis contre. Pas d'indice. Pas d'indice. Non, bah non, Polo, je peux pas. J'ai dit qu'il faut que vous soyez tous d'accord. Non, c'est pas vrai, tu te jure. Ah, si, elle le connaît. Hein. Tu vas donner l'air parce que bon. Tu risques de tricher. Bon, donc toujours pas d'indice ? Si, si, bah. Non. Non, bah non, pour l'instant. Bah non, j'ai dit non. Je remets. Bon, Guillaume et Jérémy là, putain, mais donnez au hasard des boys bands, c'est pas ça qui manque quand même. Mais oui, mais j'ai le truc en tête, mais je sais pas le nom. Ah bah oui, mais bon. Poetic Lover. Non, bah c'est bien essayé. Punaise. Bon alors. Pas évident. Ouais, c'est trop dur. Bah non, mais bon. Bon, je vais devoir donner l'indice là, tant pis, hein, sinon on va y rester là pendant 1000 ans là. 100 000 points. 100 000 points, Amina. J'ai mon cœur qui va lâcher là, vas-y. Ah ouais. Attends, que je réfléchisse pour donner un 10. Elles peuvent être également en aluminium. Oula. À quoi? À quoi minium. Je remets. Elles peuvent être en aluminium, mais là, elles ne le sont pas. Mais je connais pas ça, moi. Si, si. On l'a trouvé hein, par SMS 612 et Mickaël au début du message. Metallica, un boys band, t'es sérieux quoi? Ah oui, dans l'absolu, c'est un boys band, c'est vrai, mais bon. Il y a Flo du 85 qui a trouvé, bravo. Bon, vous n'avez pas trouvé avec mon indice que je viens de vous donner, vous êtes sérieux ou quoi? Un deuxième. Non, mais sans déconner quoi, il y a un moment. Polo qui me dit non, est-ce que t'as trouvé? Mais non, mais non. On va pas donner des indices, sinon ça sert à rien. Oh là là. Normalement, le karaopé, c'est au rythme. Oui, bah apparemment. Bon, personne trouve donc, hein. Et ce qui est dommage. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Guillaume? Non. Ah. Ce qui est dommage, c'est que Amina a donné la bonne réponse tout à l'heure quand c'était pas celui qu'on cherchait. Eh ouais, effectivement, mais malheureusement, il est mort. Eh, jante en alliage, jante en aluminium. Ah ouais. Oh là là. Ah oui, ils étaient perchés, mais enfin bon, j'ai pas donné la réponse non plus. Hein. Oh là là, Amina, elle a donné la bonne réponse tout à l'heure, elle a pas mauvais. Je crois qu'elle l'avait donné cette fois-ci, je pensais que c'était mon cœur saigne. Non. Bon, ça nous fait donc toujours 1002 points pour Polo et pour Jérémy. Et puis 0 pour Guillaume et Amina. Je triche pas, moi, Amina. Bon alors attention, dernier extrait maintenant, ouais. Celui qui trouve ça vaut 1 million de points. Celui qui trouve gagne. Million. Et autant dire que Guillaume et Jérémy, si c'est pas un de vous deux qui trouve, forcément vous allez gagner la Xbox One S. Hein. Jouer, allez, ce serait un hold up Guillaume si tu trouves la réponse parce que paf, direct 1 million de points, tu repars avec une seule réponse, ça y est c'est fait. On ça y va. Ça serait beau. Polo, World's Apart? Non. L5. Non. Backstreet Boys, Polo. Non. Guillaume. Guillaume. Les One Direction. Bonne réponse. Bien, oh, ouais, je m'agueule. Il a été très fort. C'est pas toi qui a gagné, hein. Oui, mais c'est mon équipe, c'est ma team. Oh là là, Guillaume, bravo. Bravo. Oh, l'enculé, alors. L'autre, il arrive comme ça, il branle rien pendant tout le jeu, il arrive au dernier moment et bam, dans la gueule. Oh, c'est bien, bravo, Guillaume. Eh ben, bravo, ma gueule. Bravo. Oh là là, putain. Eh ben bravo Guillaume, écoute, voilà, hein, Xbox One S pour toi, Jérémy, bon, 1002 points, c'est beau, mais ça n'a servi à rien. Eh oui. C'est dommage. Bah, c'est la vie. C'est dommage. Bah écoute, c'est ça, c'est le principal. Hein. Oh, le Guillaume, il a fait le hold-up du siècle, le casse du siècle. Tu penseras à Polo quand tu seras en train de jouer sur la Xbox. Non, mais moi, j'en m'en fous. Mais ce qui est bien, c'est qu'il a trouvé au son. Au son, ouais. Et pas avec des indices comme tu fais, toi. Ce qui est une... Non, mais sérieux. C'est que tu trouves ça même pas. Je rêve. Mais c'est la vérité. J'ai même pas trouvé la preuve. Non, mais en plus, c'est encore pire. Ah, bah, mais la semaine dernière, tu n'as rien trouvé. La semaine dernière. Voilà. Donc, deuxième victoire d'Amina. Oui. Indirectement, mais ouais, bon, voilà. On ne s'arrête plus. Hein. Elle a pas vraiment enfin, gagné, bon. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. En fait, là, t'as un peu gagné comme une équipe de foot qui a pris un but contre son camp. Écoute, je lui ai fait une passe décisive. C'est voilà. Bah, arrête et un boum. Peu ton cinéma. C'est un peu comme si Polo a mis le but, mais dans son propre camp, le résultat, t'as gagné quoi. C'est putain, ça. Petit point, Polo. Bon, Jérém, merci d'avoir joué avec nous. Guillaume, quoi? Je dédie ma victoire à Amina. Merci. Voilà, qui est. Bon, salut Guillaume, passe une bonne nuit en tout cas. Merci, bonne nuit à vous aussi. Allez, à bientôt, ciao. Bon, là, putain, mais quel retournement de situation. Ouais, là. Bam, ça y est. Bon, bah, retour du karaopé semaine prochaine. Hein. Si vous voulez jouer avec nous, n'hésitez pas, dès maintenant, vous envoyez Mickaël et espace karaopé et votre numéro de téléphone au 612 ou directement en appelant le 01 40 71 5000. Numéro du standard, vous appelez, vous tombez sur Seba et si vous êtes en Belgique, 02 703 0071. Dans un instant, on se fait les appels mal intentionnés spéciaux avec Dame Dame et reste tranquille. I won't lie to you. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop. I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crime when you should be with me instead? Stop time for you. The second you say you'd like me to, I just wanna give you the loving that you're missing, baby. Just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. 'Cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves. Gentlemen, tell me, why are we wasting time on all your wasted crimes? you down. 'Cause I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you sur Énergie. Passez une bonne nuit. Alors, Amina va passer un bon week-end. Alors là, avec la victoire sans rien foutre au karaopé, je peux te dire, c'est grâce, c'est caviar. Là. J'ai fait un rêve. Plus de libre antenne, plus de rire, plus de musique, plus de radio. Rien. Rien. Mais vraiment rien. Le vide absolu. J'ai fait un rêve. Plus d'insultes, plus de délires, plus de cadeaux, plus d'auditeurs. Plus rien. Rien. J'ai fait un rêve. La nuit, on dormait. Mais j'ai su que c'était un rêve. Top était tellement beau dans ce rêve que c'était pas possible. Mickaël, Polo et Amina, du lundi au jeudi, de nuit à 4h. Exactement. Ouais, on est là, 2h29, 30 même pour être précis. Mickaël, et votre message aussi, sans doute, si vous voulez passer dans l'émission. Mathieu et Thomas, dans un instant, également en direct avec vous, et puis nous aussi d'ailleurs. Et on va se faire, alors souvenez-vous, hein, c'est vrai qu'on a, on n'avait pas prévu de le faire, et puis c'est vrai qu'on a reparlé de Dame Dame tout à l'heure, on n'avait pas de nouvelles, et puis je me suis dit, putain, ça fait longtemps qu'on n'a plus de nouvelles, et on était retombé sur un extrait qui nous avait fait quand même bien marrer. C'était Damien le Canulariste qui avait fait la rencontre de notre ami Reste Tranquille, qu'on a plus au téléphone depuis longtemps parce qu'il a il avait reconnu il y a des amis à lui qui ont balancé, qui passaient sur Énergie, du coup bah on a été niqué et voilà, c'était mort. Mais petit revival maintenant avec Damien le Canulariste face à Reste Tranquille, et Amina qui n'était pas avec nous l'année dernière ne connaît pas, et donc elle va découvrir et tu vas pas être déçu. Oh oui, je prends les popcorn là. Ah bah tu vas pas être déçu, tu peux t'installer tranquille pépère. Alors là je peux te dire. Bon, voici donc le moment où on a eu Dame Dame et Reste Tranquille, c'est l'année dernière. Non, et on a Damien Canulariste. Ah ça alors, ça va Dame Dame? Ah merde, il nous a mis un intérêt. Ah bah ouais, attends. Dame Dame, il est busy hein, il est busy. Ah, il a une société à faire tourner hein. Mais oui, je sais bien qu'il a une société à faire tourner, mais quand même. Damien. Ah non, Dame Dame. Ah ouais, Dame Dame nos limites hein les gars. Putain, depuis le temps qu'on essaye de la voir là. Putain, putain. Oh là là là là, Dame Dame. Oh mais quelle lourdeur, celui-là. Mais c'est impossible, putain. Bon, et bon, on va attendre. Je raccroche et je le rappelle. Ouais, mais attends, mais ouais, mais, comme ça, on double appel avec l'autre. Mais il va raccrocher pour nous reprendre après. ouais, c'est clair. Bon, attends, vas-y, raccroche, on va le rappeler. Okay. Allez, c'est parti. Oh, mais, putain, c'est un truc de fou. En plus, je vais lui proposer d'appeler Reste Tranquille. Ah. Bah, ouais, parce que bon, maintenant, Reste Tranquille, bon, c'est devenu un ami de la famille, quoi, mais. Du coup, lui, il le sait peut-être pas. Ça nous permettra d'avoir un petit revival de Reste Tranquille. C'est vrai. Avec Damien Canulariste. Puisque vous avez été nombreux à dire, ouais, hey, je ferais bien que vous fassiez un petit battle entre les deux. Bon, bah voilà. Ah, on rappelle Damien. Allez. Je sais pas pourquoi ça coupe encore. Ah, salut Dame Dame. C'est bizarre, salut. Dame Dame. Ça va ou quoi? Bah en fait, ouais, ça avait pas coupé, on était en double appel. Ça faisait tutut, tutut, tutut. Ah bon? Ah bah oui. Bon, bon du coup, ça fait plaisir, hein, Dame Dame. Ça fait longtemps qu'on t'a plus, là. Bah ouais, parce que je me suis fait griller quand j'ai fait un canular, du coup, ah, j'ai merde. Des problèmes sur ça. Oh, merde. Et quoi, tu veux refaire un canular, là, ou tu veux plus, là? Eh ben, on verra. Ah, Reste Tranquille, je vais le faire. Ah, tu veux qu'on l'appelle Reste Tranquille? Mais non, tu sais que non mais attention, tu sais que c'est du haut level, du high level. Ah ouais, c'est pas n'importe qui, hein, Reste Tranquille. Est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'es prêt à le faire? Je vais dire psychologiquement. Ouais, t'es prêt à le faire, ouais. C'est un canulariste professionnel, de toute façon. Ouais, ah ouais, je sais bien que t'es un professionnel. Mais... Bon, Dame Dame, je rappelle que Damien a l'assurance canulariste. Hein. Je ne sais pas quoi ça sert, mais il l'a. Et il a le permis de canular aussi. T'as toujours le permis de canular, hein? Le permis, il est valable jusqu'en 2018. Ah bah nous voilà rassurés. Je rappelle également que Damien donc s'est autoproclamé canulariste hein, ah, et que c'est un peu le mentor de Toff dans les appels mal intentionnés. Il m'a tout appris. Bah bien sûr, je sais bien. Ouais. Donc du coup, Dame Dame, on appelle Reste Tranquille. Tu veux lui demander quoi comme question là? Je vais lui demander. Eh ben parfait. Ok, on y va. On l'appelle Dame Dame. Sois bon, hein. D'accord. Montre à Toff comment on fait des vrais appels. Hein. D'accord. T'es sûr, hein? Ouais. Bon, très bien. Allez, c'est parti. Je vais être vénère aussi un petit peu. Tu vas insulter dame de, tu vas insulter le maire de Reste Tranquille. Fais-le à la toffe. Ouais, fais-le à la toffe au début. Fais-le comme tu veux. Après, voilà, lui le mentor. Hein, ouais, c'est lui le spécialiste. C'est pas nous qui devons lui donner des conseils, c'est lui qui sait faire. À un moment, qui sommes-nous pour donner des conseils à Damien Calulariste? Évidemment. Bah bon, alors voilà. Bon, on y va, dame, on appelle Reste Tranquille, c'est parti. Allez. Bonne chance, hein, dame. Et sois bon, surtout. Allez. Puis, du coup, ça faisait longtemps qu'on l'a. Allô. Bon, bah, dame. Allô. Mais il est con, quoi. Ah, il est con. Attends. Damien. Oh, il a raccroché qu'il est con. Bon, allez, reste tranquille. Ouais, dis-moi. Bon, attends, on va rappeler dame. Attends, je te raccroche à la gueule, on va te rappeler, d'accord. Ça va, pas de problème, vas-y, tout de suite. Ah, il est con, ce dame. Putain, il voulait appeler reste tranquille. On l'a et voilà, et maintenant, il ne parle plus. Oh. Une larme quand j'ai entendu le reste. Allô, reste tranquille. Désolé, c'est mon putain de réseau. Ah oh là. Putain, on l'avait, reste tranquille, il a décroché, on a dû le raccrocher au nez. Bon. J'avais pas de réseau. Bah bouge plus là, reste bien où t'es. Valentine, mets-moi le numéro de reste tranquille parce que je ne vois ni dame ni reste tranquille, je ne vois personne dans ce standard. Ah oui, effectivement, ça bug. Allez, c'est parti, on y va. Dame, on appelle reste tranquille maintenant. D'accord. T'es toujours là, hein? Ouais, je suis là. Très bien. Allez. Là, ça va être le répondeur chez reste tranquille, tu vas voir. On aura tout gagné. Bon alors. Allô? Attends, allô. Allô, oui, bonsoir monsieur. Allô, ouais. Allô, oui, en fait, je t'appelle parce que... Ouais, dis-moi que tu veux. Tu veux quoi? Je voudrais savoir si vous éjaculez. Attends, oh. Déjà, quand tu me parles, tu restes tranquille. T'as compris? Moi, je sais pas qui t'es. Tu m'appelles en privé comme ça. T'es qui, toi? D'où t'as eu mon numéro? Bah c'est dame, je l'ai de la manière pour tout YouTube. J'ai rien à foutre, dame, tam, bam, bam. Moi je vais te mettre dans le cul, tu vas rien comprendre, je vais te montrer comment. Oh, tu réponds pour la question, bordel de merde. Ouais, trou du cul, quand tu me parles. Oh, tu réponds à la petite question, bordel de merde. Dis-moi, tu veux quoi? C'est toi qui réponds. T'es où? T'habites où? Tranquille, bordel de merde. Ah, trou du cul, t'habites où? Dis-moi. J'habite à Paris, mais ça répond pas à la question. Je vais venir voler ta mère à Paris, moi, dans la tour Eiffel, s'il te plaît, je vais la prendre en gangbang, ça, tu vas rien comprendre, trop de balles. Non, mais répondez à la question alors. Répondez à la question. Oh, arrête de répéter la même phrase. Change. Ah, mais répondez à la question. Dis-moi, répondez à cette putain de question. Sinon, on est obligé de venir chez vous, vous sodomiser. Viens chez moi, je vais te montrer qui est au domicile, qui est au cul. Sodomiser toi, ta mère. Je vais aller chez vous, mais ça répond pas à la question. Enfant de pute, quand je parle, c'est des tchons. Il n'y a pas de ça entre nous. Écoute, il n'y a pas de ça entre nous. Il y a de ça entre nous. Moi, je te prends en gang-bang, je te viole, moi. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu veux, je suis célibataire, mais ça répond pas à la question. J'en ai rien à foutre, si t'es célibataire. Il y a personne qui t'a posé cette question, trop du cul. Qu'est-ce que t'invente des choses comme ça? Je voudrais savoir si vous éjaculez, c'est tout. Ouais, j'éjacule sur la face de ta mère, mon enculé, je la prends en facial. Pas sur la face de ma mère, dans sa bouche, ça, c'est pute, t'as compris ou pas? Enfin, monsieur, tu vois, quand je parle, écoute-moi, moi quand je parle, tu fermes ta gueule, t'as compris? Non, je ferme pas ma gueule, moi. Je suis trop bavard. Quand moi je parle, tu fermes ta gueule. T'as rien, t'es pas bavard, toi, t'es un trou du cul. Quand je parle, non, c'est pas un trou du cul, le trou du cul t'emmerde. T'es un trou du cul, fils de pute. Enfin, moi je te viole, t'as compris? Non, mais le trou du cul t'emmerde, c'est tout. Moi je te prends un gang-bang en tant que pute, t'as compris ou pas? T'as non, mais le trou du cul t'emmerde. Moi je te prends dans les fesses, je te prends sur la. Moi je vais venir, je vais baiser ta mère dans la tour Eiffel, dans la tour la plus haute connard, t'as compris ou pas? Attends, mais si vous voulez, je vous donne l'adresse, je vous y rendrai. Je vais venir chambrer de ta mère, vas-y, donne-moi l'adresse. Voilà, alors, c'est 22. Ouais. C'est 22 rue Boileau, ça s'écrit comme le poète. Ça s'écrit comme ta mère, c'est ça? Bolos. Ça s'écrit comme le poète. Ton père, c'est un bolos. C'est à Paris, dans le 16e. Et ta mère, c'est une pute, c'est ça? Non, c'est pas une pute, mais ça répond pas à la question. Ta mère, je sais que c'est pas une pute, c'est la reine des putes. C'est plus simple. C'est pas une pute. Non, mais ça répond, mais ça répond pas à la question. Il n'y a pas de mine. Reste tranquille, monsieur, reste tranquille. Oh. C'est ma phrase. C'est moi qui dis. T'as compris, espèce de pute. Oh, vous répondez à la question, bordel de merde. Ta question. J'en ai rien à foutre de ta question. Moi, je t'ai déjà dit, demande à ta mère combien de fois j'ai éjaculé sur sa face. T'as compris ou pas? Demande. Non, mais tu m'as pris pour un jambon. Ce que tu dis à ta mère, j'ai appelé MRS tranquille. Ce que tu lui dis, tu lui dis, il m'a posé une question. Elle va dire, c'est quoi la question? Tu lui dis, ouais, parce qu'il paraît, il fait qu'éjaculer sur moi, sur ma face de neuf. Elle va dire, ouais, mais réponds à ma question au moins. Ta gueule, alors, enfant de pute. Fais pas le type avec moi, t'as compris? Parce que moi, je vais te fermer direct, je vais te redescendre sur terre. Moi, c'est pas que tu crois ici. Moi, je te dis, moi, c'est gangbang direct. Ouais, mais tu réponds à la question, point. Il n'y a pas de question. C'est moi qui crée les thèmes, les questions, les sujets, t'as compris? J'ai niqué même le passé de ta famille, et je suis sûr, et je vais aussi niquer le futur de ta famille, t'as compris, fils de pute? Merci! Il est content! C'est toi qui vas te faire enculer, mon pauvre. Fils de pute, mets-toi dans le cul, tu vas penser à moi bien fort, espèce de chien, t'as compris ou pas? T'écoute. Moi, j'ai pas le temps avec toi. Arrête de faire chier, tranquille. Moi, je t'ai déjà dit. Comment je parle, tu fermes ta gueule. Si tu comprends pas ça, moi je peux rien y faire pour toi. Moi je parle. Je ferme ma gueule. Écoute. Moi quand je parle, tu fermes ta gueule. Et quand j'ai fini de parler, c'est à ce moment-là que je te donne l'ordre de parler. T'as compris? Et quand je te dis parle, tu parles. Non, c'est pas ton chien. C'est pas ton chien. T'es mon esclave. En tant que leader des partisans, c'est pas ton esclave. Leader de quoi? En tant que leader des partisans, c'est pas ton esclave, hein, tu vois. Toi, t'es leader des partisans, hein. Je crois que mes partisans, ils sont tellement enculés que tu sais même pas c'est quoi un leader, espèce de fils de pute, quoi. T'as compris? Tu verras le jour où le mouvement nous occupera, tu verras ce qu'il y aura. Je prends toi, ta mère, ton père, ta soeur, ton frère, ce que tu veux. T'as compris? Je prends vous tous en gang. Tu peux prendre tout le monde, mais sauf ma mère. Je prends tout le monde et ta mère, je la prends en gangbang facial. On gagne 5 sandwich dans la classe. Non, monsieur, pas de ça entre nous. Écoute, il n'y a pas de ça entre nous. Change de disque ici. Ici, je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Il répond à la question, Tu crois que c'est un rodéo ou quoi ici? T'as cru qu'on était en train de faire un show ou quoi? Non, mais répond à la question, enfin. Là, moi, je t'ai déjà dit, comment je parle, tu fermes ta gueule, t'as compris? Et ta question, je n'ai pas répondu. Mais répond à la question. Tu poses cette question à ta pute de mère, t'as compris? Et elle te donne la réponse. Non, je la pose pas à la pute de mère, je la pose à vous. C'est vous qui êtes concerné pour la question, je vous réponds. Tu vois, tu dis, tu rêvais de ta pute de mère qui est en train de dormir parce que ce soir elle est fatiguée, elle m'avait dit qu'elle avait beaucoup travaillé. Tu rêvais, tu lui dis, ouais, maman, j'ai appelé un gars et tout. Tu dis, il m'a posé une question par rapport à toi, est-ce que t'as beaucoup de travail, beaucoup déjà que facial. Tu lui poses cette question, elle va dire, ouais, mon petit-fils, dans toute ma génération, dans toute ma vie, j'ai fait ramasser des gangbangs facial. Ouais, t'es perché, mon gars, t'es vraiment perché. T'as 2-3 poissons à quelqu'un de sérieux, t'es devenu un homme ou quoi? Viens devant moi, je vais montrer ce qu'il a. Viens, je vais t'en porter mon bras. Franchement. Ouais, change de disque, espèce d'enfant de pute, t'as compris ou pas? Franchement, t'es trop perché. Moi, je t'ai dit, fais pas de moi. Parce que là, t'es derrière le téléphone, t'as compris? Pas ta face. Non, mais t'es trop perché, franchement. Tu vas courir, tu vas courir. Tu vas courir tellement droit. Tu vas courir, attends, je cours pas après un petit perché. Ferme ta gueule, tu vas t'as compris ou pas? Ferme ta gueule, c'est vraiment perché, franchement. Ferme ta gueule de merde, t'as compris? Parce que moi, je ferme pas ma gueule à des perchés, moi. Espèce de fils de pute que tu es. Espèce de fils de pute de chômeur. Moi, je suis un chômeur. Ah, fils de chien. Ta mère travaille pour moi, elle me rapporte de l'argent à la maison, cette pute. C'est ma petite pute, tu comprends pas. Ta soeur, c'est ma pute. Non, mais ta mère, c'est ma pute. Ta grand-mère, c'est ma pute. Con. Ta tante, c'est ma toi, pute. Tu vas fermer ta tout le monde, c'est ma pute. Tu vois, elle travaille pour moi. Tu vois, toute ta famille travaille pour moi. Et le pire, c'est que ta famille qui travaille pour moi. Même moi, je parle dessus. Le pire, c'est quand t'es vraiment perché. T'es vraiment perché parce que j'ai pas de femme, tu vois. Attends, stop, il est parti, dame, là. Oh là, quel talent quand violence. Même. Quel talent, oh là là, dame, t'as été bon, hein. Oh, t'as été énorme, t'as été très très bon, Damien, là. Bah putain, ça faisait longtemps, là, tu vois. T'es en forme, il fallait nous faire ça, putain, t'as géré, t'as maîtrisé de A à Z, hein. Bravo. Ah ouais, là, vraiment. Ouais, c'est sûr. Ah ouais, là, t'as vraiment été au top, hein. Bon, hey, dame, on te récupère à l'occasion, alors. Bah d'ailleurs, je vais parler de mon nouvel album aussi. Eh bah, la prochaine fois. D'ailleurs, je le sors bientôt. Il va s'appeler Convulsion sans convulsion. Très bien, bah, c'est génial. Convulsion sans convulsion. C'est putain. Eh bah, génial. Eh, hey, dame, tu m'envoies ça? Je t'enverrai ça en fichier Winora. Eh, bah, tu en comme tu veux. Et puis tu m'envoies ça sur mon mail et puis on le mettra sans problème. Bon, dame, on te rappelle la semaine prochaine, d'accord? Ça roule. Salut, gros. Salut, dame, à bientôt. Tchuss. Allez, ciao. On a plus dame. Il est parti, dame. C'est bon, il a raccroché. Oui. Ah, très bien. Bon, reste tranquille. Ouais, il est parti. Eh, il est parti, ouais, bah oui, parce que sinon. Bon, eh, merci, hein, du coup, c'est bien. Bravo. C'est bien marrant, tu as été très bon. Il manquait juste cette tête de compte teuf. Mais je ne comprends pas. Mais pas de ça entre nous. Tu peux nous refaire un petit à l'ancienne à Toff, là, vite fait à l'ancienne. Vas-y, Toff, pose une question. N'importe. Ça remonte à quand la dernière fois que vous avez fait un gangbang? Je dois dire quoi, moi? J'ai pas compris. Rien, tu l'insules comme avant. Juste comme ça, bon vieux temps. Deux, trois secondes pour le kiff. Ah, tu, enfant de chien, va, enfant m'a baisé, va, je baisse ta pute de merde, la sodomie, je la prends en un, le gangbang facial, je la dégaine dans tous les sens, ça pute, va. T'as compris ou pas ça, chien? Je te baisse, je te déchire, je vous baisse tous, en général. Je vous baisse, je vous prends tous, moi. Un gangbang, que des gangbangs. Maintenant, je prends que des gangbangs, je prends rien d'autre, t'as compris? Ah, tu prends que du gangbang. Il a raison. Eh bah, voilà. Y'a que ça de vrai. Ah, putain, à l'ancienne, c'est quand même dommage que ce, ton connard de pote ait balancé le dossier que t'étais à la radio. Ah, putain, c'est dommage. Il a bien fait, moi, je le respecte. Je l'ai même offert une petite bouteille de champs pour ça. D'accord. Enfoiré. Enfin. Bon, et reste tranquille. Apparemment, tu fais des t-shirts maintenant. Ouais, je fais des t-shirts et j'en ai mis. Tu rigoles, mais j'en ai mis un sur Facebook et c'était juste un petit modèle. Tu sais qu'en privé, moi, je me suis fait massacrer. Comment ça? Il y a beaucoup de demandes et tout. Et j'ai un site, je suis en train de faire plusieurs modèles et il y a déjà, sans mentir, il y a déjà 30 commandes. Hein. Non! Je t'ai pas fait rire, les gars. Oh là. Il y a deux, trois t-shirts où il est marqué Chris Tranquille. Ouais. Avec des designs différents. Il y en a deux, il est marqué à chien. Et deux où il est marqué gangbang. Gangbang, un il est marqué gangbang, l'autre il est marqué gangbang sandwich. Hey, j'en ai vu un aussi où il était marqué reste tranquille et ferme ta gueule, non? Ouais, celui-là je l'ai pas mis, mais il y a déjà la photo, tu vois. Ah ouais, d'accord, ok. Non, mais incroyable. Il y a déjà 30 commandes. Et franchement, quand même, le t-shirt, ça va quand même le prix, tu vois. Ah, tu les donnes pas? Non, t'es fou quoi. Ça est devenu une marque, ça. C'est business maintenant. C'est devenu une marque. Oh là. 30 commandes quand même. Quand même, hein. Tu peux quand même l'offrir à un Toff. Ouais, moi je veux un gangbang sandwich. Moi, je vais vous ramener au studio. Une fois que je vais avoir le paquet, je vous en donne au moins 20. Comme ça, vous pouvez aussi en faire gagner. Ah, ouais. Trop bon, reste tranquille. Eh, putain, l'autre, il va faire une marque, hein. Gangbang. Ouais, reste tranquille. Eh, bientôt, tu vas faire le parfum et tout. Il y a moyen, qu'est-ce que c'est, les choses, les jeans, c'est tout, t'imagines? Bah ouais, avec l'odeur de Toff, le parfum, ça va être génial. Oh, mais quelle horreur! Voilà, bon, c'était notre ami Reste Tranquille quand on avait eu l'occasion de l'avoir à l'époque où il nous avait pas encore grillé et tout. Bon, c'était la bonne époque, on va dire ça comme ça. Bon, j'espère que vous avez bien kiffé, nous, on s'est bien marré en tout cas. On va s'écouter Jonas Blue, on va récupérer Mathieu et Thomas juste après. Et puis on va se faire aussi le polo show, hein. Bah oui, dernier de la semaine, forcément, on va pas rater ça. 01 40 71 5000, inscrivez-vous, vous passez en direct sur Énergie, c'est Mickaël et on est là jusqu'à 4h comme chaque nuit. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday, I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Feeling this way, there's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. sur Énergie, 2h48, bienvenue. La nuit te fait peur. Mais pourquoi ? Les cauchemars. Les sueurs froides. Des monstres, des ombres dans le noir. De quoi as-tu peur ? La nuit sombre et solitaire. Des sorcières, des fantômes. La tête de teuf. Que d'horreur apparaissent la nuit. De quoi as-tu peur ? Mais ces bruits, d'où viennent ces bruits ? Une impression, une sensation. Frissons lugubres. Dans la pénombre. Les pires choses peuvent arriver. Tu le sais. Alors, cache-toi, ils arrivent. Michael. Toff, Polo et Amina. Toutes les nuits de minuit à 4 heures sur Énergie. Bon, Sopra arrive aussi dans quelques minutes et puis on va prendre Thomas à Charleville-Mézières. Salut Thomas, 23 ans, comment tu vas ? Thomas ? Allô Thomas ? Thomas ! Bon, c'est pas grave. Ouais, pardon, ça y est. Non, non, ah, pas de problème. Bon, Thomas, bienvenue à toi. Alors, raconte, on parlait d'arnaque pour terminer. Raconte-moi un petit peu, qu'est-ce qui t'est arrivé déjà là ? Alors, moi, il m'est rien arrivé, je suis technicien informatique. Donc, d'accord. C'est plutôt à mes clients que ça arrive. Ah oui, d'accord, ok, ouais. Et du coup, j'ai l'anecdote d'un client qui lui a fait exactement tout ce qu'il fallait pas faire. C'est-à-dire ? Donc, c'est un chef d'entreprise qui a largement les moyens de se payer un antivirus, mais il a pas voulu. Ah bah oui, une pince. Ah, et ça coûte cher. Voilà. Ah ouais. Voilà, donc ce qu'il fait, il ouvre sa boîte mail un matin, il voit en indésirable un courrier russe, en russe. Ouais, il l'ouvre. Ouais. Bah oui, il se dit, oh bah je reçois un courrier en russe, je vais l'ouvrir. Bah bien sûr. Voilà. Un nouveau client. Dans ce mail, il y a une facture, donc il ouvre la facture, ça ouvre Word, avec des hiéroglyphes. Et Word lui dit, c'est louche, mais est-ce que t'es vraiment sûr que tu veux l'ouvrir ? Ah lui, il dit, évidemment, il dit oui. Ah bah déterminé, il l'ouvre. Ah bah forcément, en 10 minutes, toutes les données de son PC ont été cryptées. Et son fond d'écran a changé, il y avait une demande de rançon sur le fond d'écran. Ah oui, parfois ils font ça aussi, en fait ils ne volent pas, ils cryptent tout et après si tu payes pas, bah tant pis. Voilà, mais sauf que quand on paye, ils ne décryptent pas non plus. Oui, ça c'est vrai, mais enfin bon, après il y a quand même parfois des voleurs honnêtes qui, une fois que tu as payé, décryptent. Hein, mais il y avait un truc comme ça avec les sites porno un peu chelou, en fait si tu regardais sur ton téléphone, ça bloquait tout dans ton téléphone et donc tu avais un truc PayPal qui venait s'afficher. Et ouais. Tant que t'avais pas payé, bah ça se débloquait pas. Bon après normalement si tu le formates, c'est bon a priori, je pense. Ouais mais bon. Bah, après il faut le faire. Bah après c'est pas. On parlait d'Android et d'iOS, non, c'est pas des passeports non plus. Hein. Mais bon c'est surtout la meilleure sécurité, c'est surtout l'utilisateur en fait. Oui mais voilà, faut faire des trucs, faut se méfier, c'est tout. Il faut se méfier, faut pas cliquer sur tout n'importe quoi non plus quoi, c'est clair. Hein. Et quand vous voyez un message d'un pote qui vous parle d'une manière assez bizarre, bah méfiez-vous aussi. C'est que forcément il y a un truc chelou. Ouais, quoi. Peut-être que lui a été piraté à un moment ou à un autre. Hein, c'est clair. Ouais, mais c'était pareil. Moi j'avais eu une meuf. Tu vois, genre la meuf, on s'est parlé trois fois et tout, puis elle arrive, genre oui, enfin genre elle me drague, mais tu vois, mais genre hyper cash. Et à la fin elle me fait ouais, bon ben voilà, si tu veux qu'on aille plus loin, tu m'appelles sur le 0899. Oui, bah bien sûr. Ouais, bah, t'as raison. Ah bah oui, alors dis donc. Ça, on va le faire deux fois même, tiens. Pour gagner un iPhone 7, c'est ça ? Non, pour pouvoir la baiser, mais du coup, j'ai pas appelé. Ah putain, Toff, t'as vu ? Vous avez vu le radin un peu là ? Ouais, c'est un charclou. Hein. Putain, tout ça pour pas sortir un peu d'oseille, quoi, espèce de pince. Ouais, mais je pense que je l'aurais jamais baisé, même si j'avais appelé. C'est pas impossible, même quasiment certain même. Ouais. Bah merci Thomas d'avoir appelé. Ah bah je t'en prie. Tu reviens quand tu veux, t'hésites pas surtout. Hein. Ouais, pas de problème. Salut à toi, à bientôt. Salut. Ciao Thomas. Et il y a Mathieu aussi avec nous. Salut Matt. Salut Matt. Alors raconte, toi aussi, t'as déjà eu des escroqueries là ? Oui, moi je me suis fait pirater. Raconte. Attendez, je me suis fait pirater sur ma console. Ouais. Et pendant que ma soeur, elle était partie en vacances. T'as le nez bouché ou pas, Mathieu ? T'es malade ? Non, c'est une allergie. Ah, d'accord, ok, ouais, bon courage. Hein. D'accord, donc du coup, t'es fait pirater sur la console et puis ? Ouais, ma soeur, qu'il y avait son code de carte bleue sur la console, qu'elle était partie en vacances. Attends, c'est pas très fait, français ce que je viens de dire, Mathieu. Donc il y avait son code carte bleue, enfin son numéro de carte bleue sur la console, elle était en vacances et quoi ? Ouais, et en fait, pendant qu'elle était en vacances, ma console, je me suis fait pirater. Ouais. Et la personne qui a piraté ma console, ouais. elle a acheté plein de jeux, plein de choses et tout. Et en fait, quand elle est rentrée, ma soeur, elle s'est rendue compte qu'elle a été à découvert d'un peu plus de 1000 euros. Ah oui, quand même. Ah et pour des jeux, putain, ça fait mal. Hein. Et quoi, elle a été remboursée ou elle a eu dans le cul ? Non, elle a eu dans le cul. Oh la vache, putain. Ah ouais, putain, ça fait... Ça fout les boules parce que déjà tu te fais pirater, c'est quand même pas cool. Déjà, c'est pas toujours facile d'arriver à la fin du mois, machin, les vacances, tout ça. Surtout quand tu reviens de vacances et tu t'es fait un peu plaise. Ouais. Et tu te dis, bon, allez, je vais galérer un peu le mois prochain, mais bon, ça va aller. Et quand t'as 1000 euros dans tes dents encore. Voilà, c'est ça. Et du coup, elle a rien dit contre toi. Bon, après, t'es pas coupable, mais comme si, c'est ta au console. Au départ, en fait, c'est moi qui m'en suis pris plein la gueule parce qu'ils m'ont dit ouais, c'est toi et tout. Ah oui, d'accord, oui, en plus, tu t'es fait accuser. Ouais, ah bah, pauvre, ouais, il faut toujours faire attention. Ah non, la vache. Mais au final, en fait, elle a porté plainte sous X. Ouais. Donc, au départ, elle a porté plainte contre moi. Elle a porté plainte contre toi, contre son propre frère. Mais je croyais qu'on pouvait pas faire ça. C'est quoi ces conneries? T'es sûr que tu ne racontes pas de la merde, Mathieu? Non, non, c'est sûr, je suis sûr. Je suis allé avec elle à la gendarmerie et tout. Elle a dit que je voudrais porter plainte contre lui. Quand ils t'ont entendu parler, ils ont eu pitié, ils t'ont lâché, c'est ça? Non, mais attends. Et du coup, combien il y avait eu de vol encore? 1 000 euros. 1 000 euros? Ah bah, donc. Ouais. Bon, et depuis, ça va, c'est plus la guerre avec la sœur quand même, rassure-moi. Ouais, non, ça va. Bon, bah, c'est déjà ça. Mais au final, elle a porté plainte sous X. Ouais. Contre X. Contre, ouais. Oui, pardon, excusez-moi. Non, mais je t'en prie. Sous X, c'est autre chose. Ouais, et du coup, ben, après, ils ont cherché, ils ont retrouvé l'adresse IP que c'était en Amérique, et au final, ben, là, il n'y a plus rien. Ah, bah oui, là, c'est clair, c'est perdu. Hein. Ça, c'est déjà sur un autre continent, c'est sûr que tu es dans le fion. Hein. Eh bah, écoute, bah, merci pour la petite histoire. Hein. Et tu rappelles. Merci à vous. Ben, avec plaisir, et tu rappelles quand tu veux. Hein. Merci, mais par contre, excusez-moi, c'était ma première fois que je passais à la radio, j'étais un peu stressé. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas, t'en viendras à l'autre, il n'y a pas de problème. Bon, ça roule. Salut, Mathieu! Salut, bon courage. Allez, bah merci beaucoup, salut à toi Matt. Bon, on va se faire le polo chaud en quelques secondes. Si vous voulez participer, 01 40 71 5000. Il sera intensif et court ce soir le polo chaud. Alors maniez-vous. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tout me sourit, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis le prince de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Le soir le salut, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait une passe et boum dans la nuit car sors de la piste, fais une grande picard de Vanda. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, fais un peu. Si tu me parles, fais un peu. Si tu me touches, fais un peu. Clairement ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Clairement ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Clairement ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Clairement ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Oh, je suis en feu. Je suis chaud, je suis chaud. Je suis chaud, je suis en feu. Équipe d'Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de 2 heures de sport, amène-moi des tirineurs. Comme ce grand blondiné énervé contre Freezer. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je suis John Covey. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Ou comme les trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, fais un peu. Si tu me parles, fais un peu. Si tu me touches, fais un peu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Oh, je suis en feu. Ça sent le brûlé, ça sent le brûlé. Appelle les pompiers, je suis chaud. C'est parti, c'est le polo show. 01 40 71 5000. Ouais. Salut, c'est WF. Comme moi, écoutez le Polochon. Ah non, c'est le Polochon. Et c'est super. Chiant. On y va maintenant, Michel à l'aria. Ouais, salut, ouais. Bienvenue, vous êtes dans le Polochon 01 41 5000. Christophe au standard. Et, oui et on a une stagiaire. Je vais voir ce qu'elle donne. Si, puis je vais virer l'autre, hein, si oui c'est mieux. Merci, Johan, on t'écoute. Johan. Johan. Pas de Johan, dégage. Antoine, on t'écoute. À quoi reconnaît-on qu'un lépreux nous a écrit? Je sais pas. La langue est cachetée dans l'enveloppe. Micheton, on t'écoute, 01 40 71 5000. Vas-y mon pote. Ça va mon polo quoi? Ça va très bien mon Micheton, je t'écoute. Tranquille. À l'ancienne. Tranquille, tassé ouais, là comme... Peinard, on est là. Hé, hey, sont où toutes les fiottes là? La personne qui appelle là pour foutre sa merde là, ils disent qu'il n'y a plus de routier, on est là mon gars. Eh ben voilà, merci Micheton. Anthony, on t'écoute. Ouais, polo. Ouais. Alors, t'as des nouvelles de Starguest officiel alors cette semaine? J'ai pas de nouvelles, non. C'est pas, et toujours en grève alors? Je sais pas. Parce que sur Twitter, là, sa petite bande là qui le soutienne. Mais c'est bien. Pour un bonhomme avec ça. Écoute, il fait ce qu'il veut, c'est son problème. Eric de Montfion, on y va. Oh, mon Micheton, il est de retour. Il m'a manqué. Comment allez-vous, petit lapin? Ça va, m'appelle pas comme ça. Florent, on t'écoute. 01 40 71 5000, on y va. Allô, les routiers de la Lec, t'es bien? Qu'est-ce que tu veux? T'as un dédicace pour les chauffeurs. Ok, Younes, on y va, 01 40 71 5000. Younes? Pas de Younes, dégage. Pierre, on y va. On comprend rien, on a l'impression que t'es sur une mobilette. Ah, sur une mobilette. Allez, casse-toi, Randy, on y va, 01 40 71 5000. Randy? Qu'est-ce que tu veux? Bah, rien. Ok, bah super. Antoine, on y va. Que répond un père Lançois après que son fils lui ait dit « Papa, caca, vite ». Non, Antoine, pas de ça. Change. Bah, change. Je sais même pas ce que j'allais dire. Bah si, change. Bon, quel est le résultat d'un croisement entre un lapin et un éléphant? Je sais pas. Un lapin mort avec un trou du cul de 20 cm de diamètre. Michto. Lui, il est grave, son pote. Sérieux, j'aime bien, c'est mon croque-mort. Hein? Ah ouais, allez, il parle. Tu sais, il est. Pour dire la vérité, quand Antoine parle, j'ai l'impression d'être devant un cimetière. Et ouais, qu'il est habillé en noir. Cérémonie et tout. C'est ça, avec un corbeau, tu sais, sur l'épaule, comme les vieux pirates. Thomas, on y va. Ouais, salut, ça va ou quoi? C'est qu'est-ce pour réagir vite fait là au sujet. Ça, c'est pour dire, tant qu'il y aura des arnaqueurs, il y aura des moutons. Comprends? Eh ben parfait, c'est Thomas. Quand... Excuse-moi, c'est comme quand il y aura des enfants, il y aura des curés pédophiles. Casse-toi d'ici, espèce d'imbécile, va Émir. Ouais, yo, spécial dédicace pour les routiers de la Nike, camion plaqué Émir, c'est moi. Ok, message est passé, Franck, on y va, 01 40 71 5000, ouais, dans le Polochon. Dédicace à tous les routiers de la Nike et au transport Cotu. Super, Antoine, retour, on y va. En Chine, quelle est la différence entre un caniche, un teckel et un labrador? Je sais pas. La façon de le cuisiner. Eric de Montfion, on y va. Bon, on se le fait quand alors, ce 36-63? Eh ben, on fera ça la semaine prochaine, Eric. Oh, tu m'as déjà dit ça. Ah jour. Ouais, mais on le fera, t'inquiète pas, arrête de faire ta. Arrête de faire ta mijaurée, là, espèce de gros sac, va. T'as pas honte, hein? Avec tout ce qu'on fait pour toi? Oui, bon, fais ton annonce, là, sur le God, là, vas-y, je te fais une petite fleur. Ouais, il faudrait peut-être se dépêcher pour faire un god fion, quoi. Voilà, Eric recherche un god. Si vous voulez faire un don neuf ou même usagé, mais propre, lavé, voilà. Eric est preneur. Mou, on t'écoute. C'est bon. Ouais, bah, dédicace à tous les chauffeurs de Sogral au train, c'est au routier de la night, c'est à les gosses. Excuse-moi, les gosses, changez rien, franchement, super l'équipe. Merci, Julius. Ouais, Polo. Qu'est-ce que tu veux? Salut, c'est pour une grosse dédicace aux routiers de la night. Et puis Micheton, bah on est là, hein, on est toujours là. Hein. Ok, en parlant de Micheton, il est là. Micheton, on t'écoute. Ouais, je suis là. Ouais, les gars. Hé, l'autre, là, espèce de salope avec son 36-33, là, espèce de péré. Ah merde, c'est homophobe. Ouais. Espèce de vieille fiotte. Hé, je suis pas là pour toi, mais tu t'es pas manqué, espèce d'enculé. Là. Ah, bien te faire enculer, arrête de menton, là. Ok, merci. Antoine. Qu'est-ce qu'un lépreux qui fait du rugby? Je sais pas. Un puzzle. Baudus Boub, on y va, vas, 01 40 71 5000. Ouais, pourquoi les femmes malaxent les couilles quand elles suent? On comprend rien. Pourquoi les femmes malaxent-elles les couilles quand elles suent? Je sais pas. Pour éviter les grumeaux. Super, c'est pas drôle. Eric de Montfion. Tiens, Gusto, quand il parle, on dirait qu'il est bourré, quoi. C'est tout, Eric? Bon. Rien à dire en ce moment, t'es un peu mou, hein. Hein? Il veut pas mes fesses? Je crois pas, non. Je vais éviter de lui poser la question. Antoine! Bah, j'ai plus de blague, tu m'as refusé l'autre, là. Bah ouais, mais Antoine, il faut un stock. Tu te crois où, toi? Bon, bah attends, je vais chercher. Mais non, mais tu vas chercher, fallait faire ça avant, toi. Le Médocain, on y va! Ouais, salut, Polo. On va se croire sur les chansons, là, tout le monde essaye. Ça te regarde pas, cite pas d'autres radios. Eric de Montfion, casse-toi, on t'écoute. Conclusion, Eric! Ouais. Dégage, Michto, conclusion, mon pote. Bah, il peut pas te raconter une histoire, ce qui s'est foutu dans le cul, grosse salope, là. Petite dédicace aussi à CMG, alors j'y oublie, là, et puis, bah, tous ceux qui m'en connaîtront. Et puis, arrête de menton, on va bien te faire enculer, espèce de télé. Ah, oh, c'est homophobe, faut pas dire ça, Michto. Va bien, conclusion. Ouais. Dis-moi, j'ai une question à te poser. Quoi? Quand tu roules sur l'autoroute, tous les connards. Casse-toi, ça te regarde pas ce que je fais sur l'autoroute. Antoine! Qu'est-ce qu'une tête devant un miroir? Je t'écoute. Un lépreux qui essaie de mettre une cravate. Répète, j'ai pas compris. Un lépreux qui essaie de mettre une cravate. Mais le début, c'était quoi le début de la blague? Bah, si t'écoutes pas aussi. Bon, bah, Antoine, ça suffit. Bon, à la prochaine, Antoine. Oui, à la prochaine. Tu reviens quand tu veux. Ainsi se termine le Polo Show. Merci à tout le monde. Votre salabus. Ça va te faire enculer. Et toi, ton nom, c'est enculé. Oui, on est des enculés, c'est vrai. Allez, bonne nuit tout le monde, il est 3h06 du mat, on est là chez 4h, toujours au cœur de la nuit sans pub. 21 Pilots à suivre, on a Céline aussi, juste après le son de DJ Snake et Justin Bieber sur NRJ, passez une bonne nuit.